Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, alors je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonjour. Comment vas-tu, Adrien? Oh, écoute. Une note sur 6. Sur 6, ouais. 3,1. Ah, donc plus que la moyenne, t'es bien. Au bord du gouffre. On peut dire au bord du gouffre aussi. Mais je t'ai jamais connu aussi bien, je crois. Tu m'as connu beaucoup mieux. Nos deux invités cette semaine partagent de nombreux points communs. Ils sont tous les deux très très suivis sur internet. Ils ont tous les deux commencé très jeunes. Et ils ont tous les deux rincé leurs darons respectifs plus que de raison. C'est Big Flo et Léna Situation. Ah, incroyable. Des énormes stars. Bonjour le bonjour. Ça va. Alors, j'adore ce petit bonhomme. Léna, que tu le saches, à chaque fois qu'on a Big Flo, ça clive une partie du public. Puisqu'on a un peu de public, il y a ceux. Voilà, ils trouvent ce petit personnage bien. Et bon, évidemment, ceux qui le détestent parfaitement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et je tiens à m'excuser à ceux qui n'aiment pas. Non. Qui bah se non. disent, ah putain, ça me nique le floodcast de la semaine. Il y a celui de la semaine prochaine, vous inquiétez non, pas. Non. Et on se foutre aussi. Et Léna. Ouais, voilà. Je suis plus dans cette avis-là. Oui, cette non, mais voilà. Et on a Léna, merci d'être venue pour la première fois. Je suis terrifiée. Pourquoi? Je vous le dis. Bah pourquoi? Je pense que je suis pas assez drôle pour être arrête, sur ce podcast. Arrête, tu rigoles ou quoi? Eh ben ah non. Bah, on en parlera à la fin. Vas-y, fais une blague. Vie, hein. Non, je peux mourir. Si tu me mets comme ça, je peux mourir. Je comprends. Ta blague préférée, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Pas de stress. Léna, t'es une fille marrante dans la vie en plus. En vrai, t'es marrante. Oui, je suis rigolote quand je fais pas forcément exprès. Vous riez de moi, vous riez pas avec moi. Oui, mais là, le but, c'est pas non plus, c'est pas un concours de. Pas du tout. Enfin, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est très à la cool. Puis on avait déjà fait une émission de radio avec Léna et c'est vrai. Très bien passé. On avait tous eu le Covid après. Exactement. C'est vrai, ça. Non, pas n'importe quel Covid, le Covid de Coé, je le rappelle, puisque c'était Coé qui avait le Covid et qui l'avait donné à tout énergie. Ah, le Coé-Vide. Le Coé-Vide. Allez, le titre. Je t'en supplie. Le Coé-Vide. Il lui a mis un vent en 25 minutes. Alors qu'on est vraiment dans une pièce assez. Je me souviens d'un truc. On est que 4. Alors faut qu'on dise quand même quelque chose. Désolé, justement, Florian. Tout à l'heure, on était avec Adrien. Adrien, t'as demandé. C'est quoi la question que t'as posée à Flo? S'il voulait que je lui partage ma boisson. Non, s'il voulait que je lui partage ma boisson. Moi bien, tu lui as tourné le dos et tu as parlé à Léna pendant 10 minutes. Mmh. Et on n'a pas arrêté de te chier dessus en parlant, entre autres, de chansons que t'as horrible. Pu faire ou de trucs. Ouais. Tu ne nous as même pas vus. Je suis horrible. Tu m'as ignoré. Dès que Léna est arrivée, tu m'as ignoré. Je n'existais plus. Non, ça c'est pas vrai. Je t'ai donné un peu de temps. Je t'ai parlé de ton petit basket. Je t'ai demandé comment il était Wembenyama, machin. Tu m'as dit oui, tu regardes pas le basket. Florian, j'ai dit une fois que Léna est arrivée. Ça c'était avant. Oui, mais justement, t'as eu ton petit moment. Léna est arrivée, je lui ai donné son petit moment. J'essaye de distribuer. Non, mais... Tu donnes autant de petits moments à Léna qu'à Adrien Méniel. Oui, pareil, la même. Non, mais. Moi je suis ravi de l'attention que tu m'as accordée. Je dois faire un erratum. Je t'en supplie. Aïe. Je dois m'excuser auprès de mes amis. Parce que j'ai dit dans le dernier floodcast que je leur payais tout. J'avais fait un peu le beau. Oui. Je me suis fait engueuler par mes potes, vraiment premier degré. Mérité. Ils m'ont dit mais t'es un malade de dire ça, tu nous fais passer pour quoi? T'as qu'à ouvrir l'application Pumpkin. Ah, et en fait, Pumpkin, c'était un truc comme Lydia, tu sais, pour rembourser les potes, etc. Ah, ils te remboursent tout, en fait. Je n'avais pas ouvert, j'avais 4 500 € en attente dessus. De plus de 7 ans de resto que j'avais fait à mes potes. La précision du montant est odieuse, mais... Non, mais c'était pour te dire, ça faisait 5 ans que les mecs me remboursaient à chaque fois comme des vrais bons potes, et que moi, je disais, ah, tu parles, je leur paye tout à ceux-là. Donc, je tiens à m'excuser auprès d'Antoine et Louis qui écouteront ce floodcast. Mais après, tu n'as pas encaissé cet argent, bien sûr. Donc Léna, pour t'expliquer un petit peu, il y a le jeu du Floodcast où on parle un petit peu d'actu insolite à travers le monde. Par exemple, si je vous dis que depuis le début de l'année, quelque chose a complètement disparu du Moulin Rouge, mais que récemment on a appris que c'était quelque chose qui était même illégal. Wow. De quoi s'agit-il? Attends, la spectacles. Coque. Hein? La coque. Pas la coque, la coque. Attends, du Moulin Rouge. On savait que c'était illégal. Hein. Ils ont eu la surprise cette année de découvrir que la coque était illégale. Non, c'est quelque chose dans les spectacles, quelque chose qui... C'était pendant le show, effectivement. Moulin Rouge, qu'est-ce qu'il y a au Moulin Rouge déjà? Bah, c'est quoi, c'est des spectacles? Mais c'est comme le Crazy Horse, c'est genre les femmes seins nus qui dansent et tout, c'est ça? Alors je sais pas si elles sont... Moi je suis un peu comme toi, j'ai toujours un peu confondu. Jamais été au Moulin Rouge. Le Lido, le Crazy Horse, tout ça. Mais je crois pas qu'elles soient seins nus au Moulin Rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Je n'en sais rien. Non, Moulin Rouge, je crois que c'est plus spectacle. Je crois aussi. Il me semble. Voulez-vous coucher avec moi? Comment ça, plus ce spectacle soir. Et les autres, c'est quoi? C'est pas du spectacle aussi? Je préfère m'écarter de ce sujet. Je sais pas. Okay, c'était non, mais... pendant effectivement le show, pendant le pendant spectacle. Pendant le show, il se passait quelque chose? C'est ça. Il y avait, pardon. Il y avait une danse, il y avait un numéro. Quelque chose que, oui, c'est ça, que les danseuses faisaient. Exactement. Bah, est-ce que c'est justement par rapport à la nudité? Pas par rapport à la nudité, non. Est-ce un que truc c'est... de magie avec des couteaux ou non. Des... Elle n'a poignardé personne. Okay. Personne n'a été poignardé. Parce que ça, c'est illégal, je suis sûr. Elles utilisaient des plumes. Non. Qui sont illégales. Oh, parce les que paillettes c'est... Alors, les glitters. Vous approchez. Pourquoi les paillettes? Parce que les paillettes, maintenant. C'est maintenant interdit la vente de paillettes à usage unique. Ah, je savais pas. Donc c'est toujours à usage unique. Et c'est maintenant interdit. Les marques de maquillage ont genre 4 ans pour trouver des nouvelles technologies. Et les paillettes, c'est fini. Donc maintenant, il y a des nouvelles paillettes éco-biodégradables, responsables. Ouais. Verte quoi. Celle-ci t'as le droit. Et les paillettes maintenant c'est ciao. T'as, c'est ouf. C'est une catastrophe pour Inès Reg d'ailleurs. Oui, c'est ça, à 4 ans près c'est terminé quoi. Et pour Manu Paillette aussi. Ouais, ouais, c'est finito du coup. Catastrophe. Manu Paillette, oui. Drôle. Et les confettis c'est aussi. Dimitri Paillette. Le joueur de football. Ouais, pardon. Ouais, mais tu vois. C'est bien de l'enrober une blague. Le temps est l'enrober une blague. C'est pas les paillettes. Mais je vous les, écoute, les plumes. Alors quand tu disais les plumes, tu t'approchais. C'est un rapport aux animaux. Fourrure. Rapport aux animaux, pas fourrure. Cuir. Attends, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal. Latex. Tu dis du latex, ça va. Du latex animal. C'est pas animal. Non, cuir, on se rapproche. Il y a des animaux qui venaient. Alors exactement. Ça c'est interdit. Les cirques animaux. Alors c'est pas le cirque, mais effectivement t'es tué dessus. J'ai envie de te l'accorder. Si vous pouvez trouver. Peut-être l'animal en question. Tigre, la chien. Fameuse autruche. Non. La fameuse chien. Autruche non. Du bon, chat, des chats. Pan, t'as le droit, je pense. Pas chevaux, chevaux. Pas chevaux. Au Moulin Rouge, vous imaginez. Ah non, c'est Aigle, Crazy Horse. Rat. Pas rat. Il y a des rats dans la cuisine. C'est vrai, ça pourrait, mais non. Le attends. Fameux cochon du Moulin Rouge qui arrive à la fin du show. Le cochon. Le cochon. Le cochon. Ça c'est ma France. Ça c'est ma France. Est-ce que c'est un animal qui est plutôt majestueux? Oui, en tout cas, imaginez danse sexy. Serpent. Serpent. Ah, oh, jolie, elle est forte. En mode Britney Spears. Un peu en mode Britney Spears. Sûrement les gros serpents blancs là, un peu ringard là. Alors effectivement, c'est moi c'est très ringard. Je le visualise. D'accord. Jaune. Ouais, c'est un ouais, piton voilà, jaune. Je vois ça. C'est effectivement un piton. Très bonne réponse. Oh, elle précise le serpent. Elle est forte. Dans ce spectacle, c'est la mode, quotidien du cabaret. Quel rapport? C'est la queen de la mode. Le rapport. Bah les serpents, c'est la mode. Tout le monde a un serpent. T'es arrivé avec un serpent autour du cou d'ailleurs. T'as posé sur le porte-manteau. Il a mangé le chat. Florent, une danseuse plongeait dans un bassin transparent où elle manipulait de grands pitons, des espèces protégées, qui plus est terrestres. C'est-à-dire qu'il foutait le serpent dans l'eau. Ah ouais, ah ouais, pas ah du ah tout ouais, dans l'eau. Mais oui, non, mais oui, oui. Maltraitance animale. Une cata. Donc ce vendredi, le ministère de la Transition écologique a confirmé que le cabaret parisien était bien dans l'illégalité depuis 2021. Il ferme. Et l'association de protection des animaux, PAS, je connaissais pas, se réserve le droit de porter plainte. Et quoi, ils vont payer une amende? Bah, je pense, oui, je pense. Enfin, après, ils vont arrêter, je pense. Connaissant les gars. Arrêter, c'est déjà le cas. Oui, ils ont arrêté. Oui, mais connaissant les gars, c'était pas. Je pense que c'était pas volontaire. Je pense qu'ils savaient pas. Ils ont enlevé, ça y est, tu vois. Tu les connais bien, ouais. C'est des mecs très cool là-bas au Moulin Rouge. Ils sont adorables, les mecs. Ils se rendaient pas trop compte. Tu sais, c'est pour eux, c'est un peu le show. Ils sont en mode, le serpent, on n'a pas le droit. Le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Après avoir fait le tour du monde, Randy Williams a pris une décision drastique. Attends, Randy Williams? C'est le nom du serpent? Non, c'est un autre gars. On est passé, on est passé à une autre question. Il a pris une décision drastique et a décidé d'emménager dans un endroit bien particulier. Je vous demande lequel. C'est Randy Williams? C'est un mec qui a fait un tour du monde. Ah oui, voilà. Et à la fin de ce tour du monde, il a dit un bunker, vas-y. Souterrain. Ah, il a pas choisi sa destination finale. Il a choisi un endroit où il se dit, je vais vivre ici. À la maison. À la maison. C'est alors, ma maison, mamie s'est dit, c'est là. Attends, est-ce que c'est l'endroit d'où il est parti? Ou alors est-ce que c'est dans un pays qu'il a vu dans son tour du monde et il a dit, c'est là que je veux vivre? Je vais même vous dire mieux, en fait c'est aux États-Unis. Bon, mais c'est pas si mieux. Non, parce que c'est plus précis. Ouais. Tu vois, aux États-Unis. C'est vraiment bien ce que j'avais dit. Hein. Il a décidé de vivre dans la zone 51. Alors, non. Pas non. Ah, la pas... Death Valley. Non, pas la Death Valley. Vallée de la mort, mon français. Il a décidé de vivre. Oui, c'est comme toi. Et, non, j'ai une idée de traduire les podcasts. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, j'ai une idée de fou là. Allez. Il a décidé de vivre à New York, mec. T'imagines, mec? Le délire. Fou dingue. À Times Square. Ah ouais, vu sur Times Square, énorme là. Quel fou. Il a décidé de vivre dans un chapiteau. Alors, tu te rapproches, pas dans un chapiteau. Un tipi? Pas un tipi. Tente, ah. Cabane dans les arbres. Pas une cabane dans les arbres, pas une yourte. Ah, il vit dans un parc naturel. Pas dans un parc. Non, je peux vous le dire, il vit dans un désert. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce désert? Il en a fait une oasis. C'est Las Vegas. Pas Las Vegas. Est-ce que c'est un truc un peu baba cool? Vous avez vu ce truc énorme, la sphère, c'est ça? Ouais. Vous pensez quoi de ça? Moi, la boule de Las Vegas. Tu aimerais jouer dans un endroit comme ça, toi, par exemple? Bah, évidemment. Ça dépend de combien on me paye. C'est comme tout. Tout simplement. Oui, mais ça, la réponse, je l'avais deviné. Oh, oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un truc de show où tu dis, ah, quand même, là, il y a moyen de. Oui, franchement, oui. Ouais. Franchement, mais je pense pas que tu passes ton meilleur concert. Je pense que c'est impossible de mettre l'ambiance. J'ai vu les images de YouTube. Ouais. C'est plus de la contemplation, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même fort, c'est quand même stylé. C'est assez stylé. Bah, moi, c'est de la contemplation, ça dépend ce que tu projettes sur les écrans, quoi. Si tu mets ton daron en train de faire la trompette, forcément. Mais d'ailleurs, nous on fait des, je fais ma pub là maintenant, comme ça c'est fait. On fait des stades là. On fait le stade à Lille, à Lyon, à Toulouse. Et peut-être qu'il y aura des technologies comme ça. Venez nous voir. Ah, non. Il y aura rien de tout ça. Ton père va faire du flamenco et ce sera déjà bien assez. Il y aura les petits trucs qui font de la lumière là. Le max que vous pourrez proposer. Ce qui est flippant, c'est que la boule, tu peux la payer. J'ai vu, c'est 400 000 euros la journée pour faire de la pub. Ah ouais? L'extérieur de la boule? Oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est pas abusé de pouvoir faire une pub autant à la gueule de vraiment tout le monde, quoi, tu vois? Mais cela dit, regarde Times Square, les écrans sont aussi gigantesques. Ouais, mais il paraît que Times Square, c'est... Mais non, vas-y, excuse-moi. Times Square, déjà, c'est pas si cher. Voilà ce que j'allais dire. Ouais, c'est pas si cher, mais c'est que t'as ta pub au milieu de 1 milliard de pubs, oui. Et elle dure 14 secondes. C'est vrai. Or que la boule, les gens, quand t'es dans l'avion et que t'atterris à Las Vegas, il y a la boule qui peut te regarder. Ah ouais. Ils ont fait des yeux. Moi, j'ai trouvé ça touchant. Ouais. Ils ont fait des yeux et t'as la boule qui te regarde mal quand t'atterris. Et vraiment, pourquoi elle te regarde mal? Side eye. Okay. Mais il me semble qu'ils sont en train de voir avec Fort Boyard pour projeter la boule. Eh, mais j'allais le dire, de faire un ulule. On fait un ulule pour récolter 400 000 euros pour, ah non, j'en rêve. Pour projeter le visage de la boule de Fort Boyard sur la boule. Est-ce que la boule... Il est mort. Il est mort. Mais il doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. J'ai les rêves, évidemment. Je suis tapis. J'ai même les nouvelles rêves. J'ai toutes les rêves. Il connaît toutes les rêves, celui-là. Il nous régale. Non, la boule, c'est. Mais nous, dans un son, en fait. Je pourrais vous faire une dédicace. Franchement, un petit truc. Allez, vas-y. J'envoie le sax comme le floodcast. N'hésite pas à faire ça, par exemple. Non, mais un autre truc. Tu l'avais préparé? Je pourrais faire André, quelque chose que tu avais préparé, que tu avais hâte de dire à Flo. Pas du tout. Vous avez vu la boule en emoji aussi, avec le gars qui fait du golf? Non. Vous avez pas vu cette vidéo? Non, mythique d'internet. En gros, il y a la boule, elle est en emoji, c'est un emoji géant. Ouais. C'était pour montrer un peu. On parle de quelle boule là en particulier? La même. Fort Boyard, Las Vegas. Ce n'était pas dans le reflet du crâne de la boule de Ils ont déterré la boule de Fort Boyard. Au secours. Ils ont projeté son cadavre et ils ont mis un rétroprojecteur dessus. Au secours. Et bizarrement, ça a pas mis une ambiance de dingue. Ah non, ça n'a pas pris de regretter. YouTube a dit non. Non. Et donc il y a le mec, en fait il y a un pattern de l'emoji qui fait des comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et au moment où il tape dans la balle de golf, pile à ce moment-là, il y a la boule. Ah, qui fait, coïncidence quoi. Oui, comme ça. Et on dirait qu'elle suit la balle. Alors une qu'elle suit vidéo un avion, donc. De malade mental, je vous la conseille. Tapez sur TikTok boule. Las Vegas golf ball. Ça a l'air pas si bien. Non, c'est une vidéo simple. Très basique. Je l'ai regardé 3 secondes après, je l'avais oublié. Mais je me sens obligé de parler, de prendre de l'attention parce que j'ai un problème avec ça depuis petit. Parlons-en. Je suis excité d'être là. Non, mais c'est bien. J'ai 30 balais. J'ai roulé ma bosse. J'ai roulé ma bosse. Je savais que t'allais le dire. J'ai roulé ma bosse. Ah, mais oui, je suis con. T'avais fait ton énorme anniversaire. Oui, d'ailleurs, t'avais parlé d'un gars qui est tweeté là. Et lui, il est fou, lui. Rajoute du contexte, pitié. Je suis plus sur Twitter. On avait parlé un peu de l'anniversaire de Florian pour ses 30 ans. Le thème de l'anniversaire de Florian, c'était Florian. Ouais, exactement. Il faut le noter. Et donc, on parlait. Enfin, Adrien, parce que moi j'étais pas présent, du fait qu'il notait les cadeaux. Oui, alors. Vous êtes un peu des bâtards. Parce que non, vous avez sorti ça un peu hors contexte. Évidemment, si tu connais pas Flo dans la vie, un mec qui note des cadeaux devant tout le monde, c'est non, non, non. Un mec qui parle de lui à la troisième personne, voilà. Faut connaître Flo faut dans connaître la vie quand même. Flo, ouais. Non, attends, j'avais précisé que c'était mis en scène et que c'était. Voilà. Que c'était drôle ce moment, putain. Après, bon, c'est littéralement c'était ce que t'as fait. C'était une expérience traumatisante, hein. Pour toutes les personnes t'as qui trouvent. Une très bonne note. T'as eu combien? J'ai fait quand même un cadeau de ouf. Ah oui, t'as créé un Monopoly. J'ai créé un Big Flo Poly, donc je méritais plus que ce que tu m'as donné. T'as eu 19 sur 20, je crois, un truc comme ça. Bah, c'est très bien. T'as utilisé mon cadeau que je te fais? Oui. C'est vrai? Quelle note? Wow. Je sais plus. Tu lui as offert un quoi? Je pense que c'était un 15-16. C'était un petit sampler. Et c'est quand même cadeau. Pour la musique, c'est un tout petit sampler. Mais coupe-lui encore la parole, qu'on n'entende vraiment rien à ce qu'ils disent. C'est mérité, c'est 100% mérité. Du coup, qu'est-ce que tu lui as offert? Non, c'est un mini. Je profite pendant qu'il boit. Continue de boire. Non, c'est un petit sampler séquenceur. Tu peux faire de la musique avec. C'est un petit appareil électronique. Ok. Wouh, j'ai failli faire tomber mon verre. Et voilà. Mais j'avais été validé en tout cas. Tu l'avais pas balancé par terre comme quelqu'un qui t'avait offert des bonbons, je crois. Et tu l'avais jeté. Non, mais là, on était tous gênés, quoi. Non. Moi, j'ai adoré. Comment expliquer? J'ai adoré. Non, mais bon courage pour expliquer ça. Je retire ce que j'ai dit. Le gars qui a tweeté avait 100% raison. Je m'en rends compte, mais là, avec du recul, personne ne fait ça. Désolé, mec. Pardon. T'as bien raison de me remettre à ma place sur Twitter. J'ai pété un câble, mais à la fois je regrette pas bizarrement. Non, mais oui, bah c'est toute la complexité de ce mec. Bien sûr, ah, oui. De toi je parle. Hein. C'est le mec. Ce mec, non, Flo, pour le coup, il faut apprendre à l'aimer pour l'aimer. Oh waouh, je vois ce que tu veux dire. Au début, t'es en mode, oh la vache. C'est ça, ouais. Son frère est tellement plus sympa. Ah oh, après... je suis pas d'accord. Non, et après, quand tu les découvres tous les deux, t'es en mode. Ah, c'était Flo le sympa finalement. Wow. Écoutez, je pense que non, mais je pense qu'en vrai, sans faire de la lèche, le public du Floodcast, il l'a. Oui, oui, je pense, oui. Non. Ah oui, bien pas sûr. À tous, ça part. 80%. Ah, ouais. 80%, ils ont le truc et là, actuellement, ils passent un bon moment. Oui, bien sûr. Je sais pas. Il y a peut-être une bonne moitié quand même qui peut pas te blairer. Moitié quand même. C'est juste énorme. Je plaisante. C'est juste énorme. Randy Williams, du coup. Randy. Et bon, on est au milieu du désert. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est ça la question. Il s'est fait un petit parc d'attractions. Alors, c'est plus gros que ça. Un casino. Une ville. Il a fait une ville. Plus gros que ça. Non, mais c'est pas plus gros. Un pays. Il a fait son propre pays. Il a créé son propre pays. Mais pour qui se prend-il? C'est la question que je vous pose. Il a rien compris au fait de faire le tour du monde et. Oui. C'est ce qu'il dit. J'ai fait le tour du monde. Il a recréé de la production de la. Je crée mon pays. Il y a rien qui me satisfait. Il y a nulle part où je veux vivre. Putain, c'est fou. Je crée mon pays. Mais il a un petit problème. Mais on dirait l'inverse de tous les gens qui ont fait le tour du monde et reviennent et disent. Mais oui, c'est ça. J'ai tellement vu et en fait. On fait tous partie du même truc et tout. On s'aime tous. J'ai besoin de rien que de vous. Et lui en mode non lui, c'est dégagez tous un pays. C'est un immense beauf qui a créé la république du Slojamastan. Et un micro-état. L'homme a créé son état en plein milieu du désert californien. Il a également créé un drapeau, un hymne et ses passeports. Et comme dans n'importe quel état. Bah ne regarde pas les. Mais attends, c'est officiel ça. Comme dans n'importe quel état, l'homme a nommé des ministres. Et là c'est pour vous prouver à quel point c'est un immense ringard. Dont un ministre des délires. Oh non. Bon, allez, vous me rasez tout ça. Ouais, ouais. Vous envoyez des immenses tractopelles et vous rasez tout ça en moins de 2 heures. Attends, c'est il est trop marrant ce mec. Il y a une interdiction de porter des crocs sur son territoire. Ah ouais, okay. Attends, en plus, c'est un peu antinomique. J'aurais tendance à dire qu'il inciterait les gens à porter des crocs. C'est plutôt. Vu qu'il y a un ministère du délire. Non, mais ah oui, genre, je vois ce que tu veux dire. Ça, moi je pensais que c'était un truc un peu on est à la cool et tout et il interdit les crocs. Ah non, c'est un sale con. Non, enfin je pense vraiment que c'est pas en fait. Non mais c'est qui ce mec de droite là? Bah oui, bah c'est une évidence. Randy Williams s'assure que son pays correspond aux critères Randy exigés. Randy Williams déjà non. Non mais c'est un peu Randy Newman là qui chante You got a friend, mais c'est pas exactement ça. C'est pas déjà lui. C'est pas lui. Non je suis pas d'accord. Et il par contre son pays, et j'aime bien que l'article précise, n'est pas reconnu aux yeux de l'ONU. C'est ça. Oui, bah non. Non mais c'est donc il a mis 3 tentes dans un truc, oui. Il a dit c'est un pays en fait. Oui. Bon allez. C'est... Oui, c'est ça. Il fait son intéressant comme Biflo. Et j'ai une question pour vous, quel est le plus bel endroit que vous avez visité dans le monde ou meilleur souvenir de vacances? C'est pas exactement la même chose. Adrien, quel est le plus bel endroit que tu as visité dans ce beau monde qu'est notre planète Terre? J'ai fait un road trip dans les Vancouver Island. Donc c'est les îles qui sont au large de Vancouver, donc à l'ouest de Vancouver. Ça tu dégueules quand je parle vite, carrément. Mais c'est fou de pas être intéressé comme ça à tes amis. Si je suis intéressé, mais moi c'est backstage avec Drake. Putain, mais c'est Drake bon. Bro, let's go USA man. Imbécile, va, il est même pas américain. Il est canadien, c'est le pays dont je parle justement. Donc Adrien, Canada. Et voilà, non, c'est cool parce qu'il y a une ville, la ville de Victoria, je crois, qui est un peu une grande ville, comme on s'imagine un peu les villes d'Amérique. Mais en même temps, quand tu pars, que tu roules, c'est vachement sauvage, il y a des forêts immenses et tout, et c'était vachement. C'est trop bien. Et puis c'est une île, donc il y a la mer partout. Magnifique. Et il y a à la fois des petites villes portuaires et des petits. Enfin, c'était très très charmant. Très mignon. Mais voilà, t'étais avec qui? J'étais avec mon ex. Ok. Voilà. Non, mais il y a pas de malaise. Avec quoi tu peux toujours compter pour que je mette mes deux pieds dans le plat. Ah, il y a aucun problème. Il y a aucun. Oh, alors tu sais. Oh là là. Parlons de ton ex. Parlons de mes parents. Parlons de tes parents. Elle allait dire ça. Alors, voilà. Les beaux endroits. Big Flo. Toronto, j'imagine. Idiot. Je t'adore. Non, je moi, suis très chaud, mon meilleur voyage, c'est Tokyo. Oh là là. Ah, le récent là, celui que le récent, ouais. Avec ma meuf. En fait. Moi, je suis un weeb, comme on appelle. C'est ça qu'on dit. T'es un otaku, toi. T'es un otaku. Ouais, mais weeb, voilà, c'est encore weeb. Plus méchant parce que c'est genre vraiment un les. Un peu puceau, quoi. En quelle langue? Parce que. Weeb, je sais pas d'où ça vient. J'essaie de faire un mot un peu geek parce que c'est le floodcast. Je sais même pas ce que ça veut dire, la vérité. Non, weeb, je crois que c'est les bandeurs de Jap, tu vois. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi, je suis vraiment un bandeur de Jap. Oui, oui. Rien que l'écriture me plaît. Et je me suis dit. Bandeur de Jap. En allant là-bas, je vais forcément être un peu déçu, tu vois. Tout est mieux encore que ce qu'on imagine. J'ai passé un moment extraordinaire. Bah, tout est bien. Emmène-moi. Je peux pas te dire. T'y es jamais allé? Non. Tu mérites. Vas-y, c'est trop bien. Qu'est-ce que t'attends? Tu mérites, ouais. La vie t'ouvre les bras, mec. Pour qui aller? Avec qui? Mais vas-y seul, on s'en fout. Ouais, grave. Bah, tu vas la kiffer cette vie. Tu vas le bouffer, t'en ramènes là. Il fout trop rien. Un bel endroit là-bas pour finir. Mon bah, Fuji. Dans la forêt là. Il y a la forêt de Logan Paul là. Ouais, ouais. Je vais finir. Alors, tu fais un petit tour, une petite balade et tu nous envoies une petite photo. T'as vu selfie. Allez, ciao. C'est quoi le truc le plus ouf que t'as fait là-bas? Parce que moi j'avais suivi un peu tes aventures en story privée. Des Pokémon en VR. Allez, c'est bon. En fait, là-bas, j'ai pas le souvenir d'un truc. En fait, si, en fait, tu vois souvent quand on te survend un truc, quand t'y vas, c'est un peu décevant. Je te donne un exemple. Tu vois les portes, les tories là, les portes rouges, vous les avez à peu près? Ouais. Bien sûr. Il y a un chemin avec les. Tu sais, tu le vois ce chemin, les photos, les mecs font tout ça sur Insta. C'est un chemin avec plein de portes comme ça. C'est pas filmé, ils voient pas ce que tu dis. Non, mais les gens l'ont, l'image mentale, on l'a tous à peu près, cette photo Insta. Et ben moi je me suis dit, ça va être un attrape-couillon, je vais y aller, il va y en avoir 25, il faut faire la queue. Il y en avait, mais 15 000, je ne les ai pas tous vus tellement il y en a. Donc le Japon te régale, quoi. Il te dit, on en a des portes, mais on en a jusqu'en haut là-bas, même tu vas pas y aller tellement il y en a. Et tout est comme ça, j'ai l'impression. Et j'ai adoré. Tu dirais que c'est un mélange de tradition et de modernité ou pas? Complètement. J'ai adoré. Big up à ICI Japon et le musée, le projet Odyssée là. Oh. Qui font le musée des jeux vidéo. Vous avez suivi ça? Pas du tout. Ah oui, j'ai entendu parler. Ouais. Crowdfunding, 2 millions d'euros ils ont récupéré. Pas mal. Ils vont faire le musée du jeu vidéo en France. Incroyable. C'est bien ça. Ah, je savais pas que ça existait pas. Enfin oui, c'est vrai, enfin, ça existe pas le musée non. des jeux vidéo. Non. Une sorte de cinémathèque. Il y en a un à Berlin où je suis allé, mais. Il était bien? Ouais. Eh bien, on fera mieux. Je pense. France. Léna, un souvenir de pays chambé que t'as visité ou même juste des vacances qui étaient cool? Je dirais que celui qui me marque le plus, c'est quand j'ai fait le Kilimandjaro avec mon chéri et qu'on a monté la montagne finalement. Bien sûr, ouais. Et c'était. Au-delà du fait que les paysages sont sublimes et qu'un coup t'as de la neige, un coup t'es dans la forêt, après t'es. Il n'y a rien, et puis après, il y a plein de trucs à voir. C'était aussi le fait de le faire avec les bonnes personnes. Et je pense que j'aurais jamais réussi à monter jusqu'en haut si j'avais pas été avec mon copain. Donc, c'était vraiment très chouette. Et puis, c'est. Si tu veux vraiment tester ton couple, tu fais 10 jours dans une tente, pas de douche, rien. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'iPad, il fait très froid la nuit, donc il n'y a mauvais, pas de câlin, ouais. Ça pue du cul et tu fais que marcher toute la journée. Ça pue du cul. Et après 10 jours, c'était encore amoureux, c'est. Ouais. Ça y est. C'est un belle peu plus épreuve. Hardcore que le marais de Shrek, tu veux dire? Un petit peu plus en termes de vacances. J'ai mieux dormi au Kilimandjaro que au marais de Shrek. Merde. Ça ils le disent pas sur les Airbnb. Mais d'un côté, c'est le marais de Shrek, c'est une collab qu'ils ont fait avec Airbnb, donc ils ont vraiment recréé le marais de Shrek, sauf que c'est vraiment en plein milieu de la forêt. Et donc, passer 19h, quand il fait bien nuit, qu'il fait bien froid. Tu flippes. Mais en fait, tu flippes pas vraiment, mais t'es un peu the place to be pour tous les animaux de la forêt. Il y a un peu de lumière, un peu de chaleur, un peu à manger, tu regardes Shrek, donc il y a toutes les bêtes qui veulent rentrer dans ton. Attends, bête, tu parles d'insectes ou tu parles d'animaux carrément? Ah! Donc, moi j'étais dans Blanche-Neige, je pensais qu'il y avait des oiseaux qui venaient pour tout. Que tu mettes tes vêtements. Non, il y a les souris, mais finalement c'est comme les souris de Shrek, quoi, c'est ce qu'on se disait. C'est sympa. Après, il y en a une qui est montée sur le lit, j'ai dit, ah, c'est bon, ça y est. C'est bon. T'as vraiment eu une souris sur le lit ou tu dis ça pour exagérer souris un peu l'histoire? Souris sur le lit, et c'est-à-dire que ouais, non, hard. Même Seb, il était en mode, ah non. Tu sais, quand tu dors un peu à stressé. Point fermé. Ouais. Non. Si. Bah, du coup, oui, mais non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les poings serrés. Ouais. Non, c'est pas les ça que poings tu serrés, pas les poings fermés. Non, il y a une vraie expression. Oui, quand tu dis à point fermé, c'est que tu dors très bien. Oui, justement. C'est ça. Ah, c'est ça. Les points serrés. Alors tu dors à point serré. Voilà, c'est ça. Pas c'est du tout. Tu dors que d'un œil, quoi. Ouais, c'est ça. Les mains grandes ouvertes. C'est mieux que l'expression de base. Oui. Mais non, c'est vrai, à point serré. C'est ici qu'on lance des expressions. C'est vrai que je comprends pas pourquoi on dit dormir à point fermé. Ça veut dire bien dormir. J'ai pas compris. Ah, mais c'est comme dormir comme un bébé. Moi, qui ai un bébé, ça se chie dessus, ça dégueule, ça hurle. C'est vrai. Si vous dormez comme ça, vous ne dormez pas très bien. Vraiment, vous ne dormez pas très bien. Des fans argentins de Taylor Swift. Argentina. Putain, mais c'est incroyable. Sont en passe de devenir, selon les fans, selon moi, pardon, les fans les plus hardcore du monde. Dans votre avis, qu'ont-ils fait pour obtenir ce titre prestigieux? Ils ont essayé de la cloner. Non. Oh, fort. Putain, t'es vraiment fort, en vrai. Bravo. Non, ils n'ont pas essayé de la cloner. Ça va pas, non? Non, non, mais vraiment. Parce que trouver ça si rapidement, drôle, rapide, il y a comme eu quand ça, même un petit en vrai. C'est pour ça que j'écoute le Floodcast. Vraiment. Bravo pour ça. Putain, mais deux moments de sincérité. Bah ouais, non, ah, mais c'est vrai. Bah, ça bah on se voit souvent. Hein. Non, non. Quand il a pas besoin de remplir des stades, vous voyez tout le monde. Très souvent, il me laisse en vue. Très souvent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je réponds tout le temps. Et je suis donc, fan. Des fans argentins de Taylor Swift qui ont fait un est-ce un peu foufou. Qu'ils l'ont nommé mère le oh. temps d'un oh. instant. Ah, non, c'est non, parce non. qu'ils ont fait ça avec Beyoncé. Ah ouais? Ouais. Je sais plus où c'était, mais le temps d'une journée, le jour où elle faisait son concert, elle était la mère de la ville. C'est incroyable. Aux États-Unis. La mère maman. Je non, connais pas la mère. Okay. La mère, genre Anne Hidalgo de la ville, tu vois. Ils auraient dû les lire reine, en fait, ça aurait été plus logique. Ils ont fait un tatouage commun, et quand ils réunissent le tatouage, et là j'ai plus d'idées. Non, non, il y a vraiment que des blaireaux pour ouais, faire des tatouages ridicule communs. De faire un tatouage d'amitié ou un truc comme ça. Non, ça va, mais allez-vous faire foutre. Oh, il a pas aimé. Non, allez, bon, là. On a atteint les limites de. Pas le tatouage, pas le tatouage. Qu'est-ce qu'elles ont fait les fans de non, vous cherchez un truc un peu dingo, mais c'est pas. C'est juste que c'est. Comment dirais-je a... L'idée en soi est pas si folle, plein de fans au monde le font, mais elles l'ont faite à un niveau. Vous avez alors, vu la vidéo quoi. Pardon. Vas-y. Non, mais Flo. Parce que t'allais dire un truc un flash mob. Vas-y. Pas un flash mob. T'allais dire quoi, Flo? Si c'est le golfeur, par contre, c'est la fin de l'émission. Vous avez vu la vidéo? Je vais proposer que des TikTok. De la fille qui reçoit les chaussures de Billie Eilish. Non. Un cadeau pour son anniversaire. Attends, comment ça, les chaussures de Billie Eilish? En gros, Billie Eilish a sorti une paire de shoes. Okay. Elle reçoit juste ça. Il n'y a pas à signer rien. Et elle s'effondre, elle se jette dessus, elle a des spasmes et tout, carrément de fans. Vous l'avez pas vu ça? Non, non, non. Gros, gros buzz sur TikTok. Mais attends, t'as ta petite chronique dans le Floodcast où tu nous pêches les meilleurs TikTok. Les buzz de TikTok. De la barque à Big Flo, ils pêchent un peu les vidéos. Les big buzz. Les big buzz de Big Flo. Je sais qu'il y en a qui écouteront qui pourront pas s'empêcher d'aller la voir, d'aller regarder. C'est ça que j'aime bien. Bon, elles ont fait un marathon, genre écouter en boucle son album. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un rapport avec un concert? Ah oui, tout elles à ont fait tous les concerts. Pas tous les concerts. De l'Amérique du Sud. Non, pas tous les concerts. Elles sont d'Argentine. Elles sont venues, elles sont venues une semaine avant. Où est-ce que une semaine dire. À l'avance. Alors, un an. C'est ça. C'est, alors, ah, pour la... attendre c'est devant. Ça. 6 mois. Ça fait 5 mois qu'elles attendent devant la salle. C'est trop. Qu'elles aillent dans la ville de Marc Spencer, comment il s'appelle? Jesse Williams. C'était Randy Williams. Ça fait 5 mois que nous sommes dans cette tente, témoigne une fan auprès du site américain spécialisé dans la musique fou. Rolling Stones. Non, mais en plus, ce qui est fou, c'est que je pense que Taylor Swift, elle va ça, elle fait. Mais vous êtes con, pourquoi vous faites ça? Enfin, tu sais, il y a un côté, genre, personne ne va trouver ça bien. Je pense que si elle venait déjà juste une semaine avant, elle serait les premières. Elle avait des bonnes places. Oui, c'est comme quand tu vas au supermarché, enfin, tu vois, quand tu fais la queue à un truc et que tu vois que personne vient derrière toi alors que toi, t'as beaucoup de monde devant toi. Je pense que c'est un peu pareil. Tu te dis, ça fait 5 mois que je suis là et ça fait 3 mois que personne ne vient. Ah oui, j'aurais pu venir. Économiser quelques temps. Non, mais même, temps, tu viens avec ta voiture, tu regardes, tu fais, y a personne. Bon, je reviens demain. Oui. Tu restes pas 5 mois, quoi. Oui, c'est vrai. Et parce que, en plus, c'est brillant ce qu'il a dit. Et puis, c'est un il suffisait stade. De penser. Non, mais je pense qu'il y a un côté performatif de dire, regardez à quel point on est fan. Ouais. Donc, et c'est un peu pour faire les intéressants, on va pas se mentir encore façon, une fois. C'est ce qui fait marcher le monde. Ok, maintenant, vraie question. Vas-y. Est-ce que vous comprenez et vous participez au succès de Taylor Swift? Parce qu'il y a ceux qui sont complètement étanches à sa musique et à sa popularité. Faites très attention à ce que vous dites. Et il y a ceux qui sont dans le train de Taylor Swift. J'ai regardé une vidéo sur Taylor Swift. Que tu conseilles. Sur TikTok. Sur YouTube. Non, mais c'est un vrai truc. Elle a un vrai problème, Taylor Swift, avec la France. Ah ouais? C'est un des seuls marchés qu'elle n'a pas réussi à conquérir à 100%. Quand elle a annoncé son Nu Arena, il y a eu 1 million de personnes en même temps sur Ticketmaster. Ouais, oui, elle a fait cracher le site et tout. Ah ouais. Non, je dis pas qu'elle est pas connue ici. D'attente. Mais je dis à chaque fois, elle galère un peu avec la France. Mais et c'est comment vrai ça, que... tu galères 1 million de personnes Tu as 100% raison. La vidéo était écoute 100% fausse. Je vais citer le youtubeur et la vidéo pour voir à quel point il dit. Reparlons de ton anniversaire. Alors. Non, mais je sais pour... que c'est un vrai truc que Taylor Swift et avec la France, ça galère plus qu'ailleurs. Parce que ailleurs, oui, parce c'est, que c'est incroyable. C'est monde. Gargantuesque. Ouais. Et ici, bah, c'est vrai que ceux moins. Qui écoutent pas trop, on sait pas trop quoi. Tu oui, vois oui. On se rend pas trop compte du DEL. Moi, j'ai cherché un peu à écouter, parce qu'effectivement, j'en entends beaucoup parler, mais je connaissais pas. C'est plutôt cool. Mais effectivement, je suis complètement passé à côté. Après, moi, je suis passé à côté. Je pense depuis Britney Spears, de tout, de toutes les stars de la musique, tu vois. Tu te dédouanes, mais t'inquiète, je suis pas l'avocate de. Tu es pour moi de la Taylor. Queen, d'accord. Donc c'est toi qui décides. Flo, t'es sur ton tel, on te fait chier. Non mais il cherche vraiment la vidéo dont il parle là. Je l'ai inventé, je crois. Allez, allez. Mais non, Taylor Swift, c'est vrai que ça prend une. Moi, pff, je. Ouais. Ouais. Bon, je connais pas vraiment. Moi, je croyais que c'est de la country, Taylor Swift. C'est pour vous dire à quel au point début, je suis un ouais. ringard. Oui, mais donc c'était elle un peu ça. Elle a commencé sur la country. Ah, oui. Tu te rends ça. Compte? Non, ouais. Moi, il y a un groupe que j'ai découvert récemment. Je sais pas si vous connaissez, les Blackpink. Et bah, c'est vachement bien. Attends, mais c'est de la le K-pop, vieux. Non ouais, ouais, c'est de la K-pop. Non, mais je connaissais pas du tout. Ma meuf les a vus en concert à Bercy et tout. T'as dit, eh bah, c'est vachement bien. Bah, c'est vachement bien, dites-vous. Hey, eh sans bah, déconner. Ouais. Eh bah, ouais. Non, mais c'est sympa ce qu'ils écoutent, hein, nos jeunes. Vraiment. Non, vraiment, j'étais choqué de. C'est putain. Incroyable. Il y en a une qui rappe de ouf, elle ouais, kick. Lisa. Enfin, il y a vraiment un. Vraiment, j'ai bingé ça, je sais pas si ça se dit. Ça va ton langage corporel là, les bras croisés sur le torse. Non mais dès qu'on parle plus de lui, il y a plus personne. C'est fou, il était ça. Là, il était de funeste, bah, il était Louis de funeste. Il a fait un tout là dans son son. Saviez-vous Vas-y. Il y a un groupe de K-pop qui s'appelle Big Flo. Ah bon? Tout mais simplement. Avec un double G sur Google. Avec non, un non, double non. Big Flo. Vraiment précisément. Et mon but, c'est de faire un son avec eux. Mais évidemment. Il faut que bien. Le son Big Flo, fit Big Flo, existe. Mais évidemment. Et il s'appellera Big Flo. Big bah, Flo. Oui, bien sûr. Ah bah, il faut de ouf. Mais c'est un groupe connu un peu? Je crois, alors je me ouais. suis renseigné, il me semble que c'est pas mal du tout. D'accord. Et ça s'écrit comme toi, tu l'écris? Exactement. Pareil, tout Big Flo, tout. K-pop, tape, tu vas voir. Ouais, démon, tapez-vous aussi en même temps, l'un direct. C'est ouais, interactif groupe, maintenant, les podcasts. Pop. Ah oui, c'est vraiment un groupe de K-pop, ils ont toutes les coupes de cheveux différentes, d'une couleur différente. Ouais, c'est pas mal. Il me représente. Fais-le. Ouais, faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Mais il y a un titre à trouver, faut que tu l'appelles. Bah, Big Flo, c'est marrant quand même. De ouais, mais. Big Flo, Big Gigantesque Big... Florian, pas mal. Mais tu sais que là, il faut vraiment que je le fasse, un vrai, ce truc. Ça non, serait c'est trop une bonne marrant. Idée. C'est une bonne idée. Mais vous aviez pas. Au Rose Festival. Vous avez jamais fait la queue. T'as jamais fait la queue longtemps pour voir un artiste, un concert, quelque chose? C'est pas un truc que t'avais fait. Toi, t'as un côté un peu fan. Ouais, t'as rencontré Drake. T'as été assez oui, timide sur le sujet. T'as pas fait la queue, t'as juste payé énormément d'argent. C'est pas faux. Mais si, moi à l'époque, pour rencontrer des gens que j'aimais beaucoup, j'étais prêt à tout. Avec Oli, on en a t'as fait. Ton frère, le Radostar, j'imagine qu'il a oui, dû, ouais. aussi, on a attendu Diams pendant 3 heures à la fin d'un show. Ah. Soprano, pareil. On essayait de se faire remarquer quand ils étaient sur scène. On imaginait, je sais pas, qu'ils allaient nous produire en nous voyant dans la foule. J'allais dire, les deux, je sais pas, je les sens là. Je te jure qu'on imaginait ça tellement on était mégalo déjà. On se disait. Peut-être qu'il va nous demander de rapper. Donc on préparait toujours un couplet quand on allait oh voir non, un concert. Ah oh, ça me touche. C'est fort. Trop mignon. On c'est avait mignon. Toujours l'impression qu'il allait dire, hey soprano, il y en a pas un qui rappe là. Et que ça, on allait dire ouais nous et que ça allait être notre moment. Ça n'est jamais arrivé évidemment, mais bon. Non ouais. mais hey, l'histoire mais est belle. Moi tu sais sur nos zéniths et tout, il y a souvent des fans qui attendent. Bon moi c'est pas 5 mois à l'avance, mais ils viennent très tôt le matin et je suis le premier à leur dire mais ça sert à rien, venez pas si tôt, ça me fait de la peine. Là il faisait froid, là, on était à Strasbourg, ouais. Il faisait 4 degrés, on les voyait devant avec les couvertures. J'espère de survie. J'espère que tu leur dis tout. Autre chose quand même. Non mais hey, sérieux là. Sérieux. Allez non, salut. Je leur dis pas comme ça. Mais ça, c'est touchant et tout, mais ça me fait de la peine de dire à cause de moi il y a des gens qui sont là dans le froid et qui attendent pendant 6 heures. Moi je pensais ça et après je me suis dit moi mais ça fait partie de mes super souvenirs. Ah et aussi, tu parles aux gens c'est et, nous et mes souvenirs de concert, tu vois. Tu te dis quand t'es là aujourd'hui, moi j'ai 30 ans et je me souviens j'ai fait ça pour quelques groupes et ça fait partie du souvenir du concert. Et j'étais contre les barrières, j'étais trop content d'être contre les barrières. Ouais. Et aujourd'hui, mais hors de question d'arriver ouais. même pour la première partie. C'est terminé maintenant pour moi. Mais à l'époque, je sais que ça faisait partie de l'expérience un petit peu. Toi, Léna, t'avais été ça avec des. Ouais, ouais. Comme Flo et Oli, hein, j'étais fan de fou. Mais même encore aujourd'hui. Ouais. Maintenant, c'est plus simple, on peut demander des accréditations. Mais sinon, avant, je faisais la queue. Et puis, le fait d'attendre avec d'autres gens qui ont la même passion que toi, qui ont la. Je sais pas, les. Même centre d'intérêt que toi. Ouais. Le temps, il passe vite, hein. Quelle est la personne que t'as pas encore rencontrée, toi, vu que t'as vu tout le monde? Est-ce qu'il t'en manque une? La boule. Malheureusement. Est-ce qu'il m'en manque une J'espère quand même. Non, mais attends, Léna, elle a vu du monde. Je sais, mais bon. Beyoncé. Ah bah oui, non, Beyoncé, t'as vu. Beyoncé, ouais. Je l'ai rencontrée. Toutes les Jenner, c'est fait. Ouais. Ah ouais. Putain. Mais wow. C'est déjà beaucoup. J'aimerais revoir Rihanna dans un cadre plus privé. Ah, genre c'était un peu rapide et t'as pas. Ouais, elle était sympa. Ouais. C'était à la tête dans les nuages. Beyoncé, t'as pas pu lui parler vraiment encore. Non, elle a un peu parlé avec Marcus. Et Marcus, c'était son cadeau de sa vie, donc j'ai gagné 1000 points d'amitié en faisant ça. Donc je lui dis parle à lui. Ok, d'accord. Incroyable. Mais moi, je trouve ça très impressionnant quand même de rencontrer comme ça des. J'ai toujours la vision de mais qu'est... enfin je suis ridicule, etc., etc. Toi, t'as jamais eu ce truc-là? Tu t'es jamais eu ta vie? En ce moment-là où je vous parle, je me sens ridicule. Ah, genre c'est un. C'est un trait personnalité, tu vois, c'est un constant, bien sûr. Donc tu vis avec. Ouais. En fait, quand je me suis rendu compte que les autres avaient la même chose que moi et que tout le monde se trouvait ridicule dans ces mêmes événements, je me suis dit bon bah super. Ouais. Soyons ridicules ensemble. Moi, je pense que c'est humain. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui disent ouais, c'est la honte, c'est la honte, c'est la méga honte, jamais, jamais. Mais je pense que. Alors, jamais quoi, pardon. Moi, j'ai des potes à moi qui me disent moi, je suis fan de personne, alors là, personne. Mmh. Et tu leur dis, et lui, s'il rentre dans la pièce, ah non, mais lui, ouais, mais lui, c'est différent. Mmh. On a tous un peu ce truc d'idéaliser un autre être humain, c'est avoir un. Putain, je suis premier degré, ça fait chier mais tout non, le monde. Non, mais c'est bien du tout, ici. Je vous lance pour cette raison. En plus, tu parles pas de toi. C'est vrai, je pense qu'on a besoin d'idéaliser quelqu'un à un moment donné pour avoir, je sais pas, un but, un peu une carotte pour avancer un peu dans la vie. Mais il y a des trucs. Harry Styles, jamais rencontré. Ah bah voilà. Je sais qu'il nous écoute. L'appel est lancé. C'est faisable. Enfin, nous, c'est Harry Roselmack, mais c'est ok, ça marche. C'est aussi stylé. Rencontrez-lui. Mais non, mais moi je trouve ça. En fait, c'est Pete Davidson qui est un humoriste américain qui racontait ça. Un jour, il y a Lorne Michaels, le producteur de l'émission qu'il fait, qui lui dit il est fan, il sait qu'il est fan du SNL, pardon. Il sait qu'il est fan de Jack Nicholson. Et il dit oh bah putain, ce soir je mange avec Jack Nicholson, viens. Et Pete Davidson il dit non, t'es malade. Enfin, je vais. Vous connaissez. Ah oui. Je le connais pas, ça va être horrible pour moi. J'ai trop peur qu'il trouve que je suis un con, que j'ai rien à dire, qu'il se demande même mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec, ce qui serait totalement logique. Et ça, moi, je le comprends à fond aussi. C'est-à-dire qu'à une soirée, par exemple, t'hésites un peu à croiser quelqu'un que t'aimes et tu fais bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, machin et tout. Moi, ça me va. Mais là, je trouve que j'ai la chance dans mon métier de passer un peu à l'autre truc où on fait des vrais dîners, des choses. Mmh. Et là, je trouve que c'est vraiment stressant. Ah, moi, parce que là, tu fais ça pour le coup. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. 100% d'accord avec toi, Léna. Ah ouais. Ça m'angoisse, moi. Dîner et parler avec des humains et pouvoir creuser des sujets et tout, c'est mille fois mieux que mais juste c'est ça dire qui est plus stressant. J'adore ce que tu fais. Oui, je sais. Ah non, mais c'est mieux, mais je trouve ça plus stressant. Je trouve que c'est à ce moment-là où tu te dis là j'ai eu l'air con, là j'ai. Mais moi pareil, j'ai ça tout le temps. Et après en même temps, parfois faut pas rencontrer ses idoles. Ouais, t'as eu ça un peu toi, sans dire de nom, mais t'as eu des trucs un peu comme ça. Ouais, j'ai eu des trucs comme ça. Phobie. Ouais, déçu. Ah ouais, j'ai même eu des fois des gens que j'avais interviewés et tout, et tu dis, ah non, je comprends pas du tout comment t'en es arrivé là. Et parfois, au contraire, tu rencontres des stars, genre Rihanna, quand je l'ai rencontrée, j'étais en mode, mais tu mérites d'être encore plus connue que ce que t'es déjà connue. Tellement t'as une aura de star, tellement t'étais gentille, bon, en retard, mais gentille, polie et tout. Et à vous, je pense qu'il faut pas toujours rencontrer ces idoles. Parce que c'est pas de leur faute non plus, c'est que toi aussi, tu les as mis dans ta c'est tête, ça, dans moi, un inconscient. Tu les as, des fois, surtout si c'est des acteurs et tout, tu les rapproches de leur personnage. Ouais. Et au final, c'est un humain, ce n'est pas mais le personnage que tu connais, quoi. L'inverse marche aussi. Je suis d'accord. Moi, j'ai déjà rencontré des gars que j'aimais pas du tout, où je croyais me détester. Ouais. Les mecs sont adorables, tu passes une soirée de fou avec eux. Ouais. Tu sais, ça m'est arrivé avec Fauve. Okay. J'aimais pas du tout Fauve. Tu sais, c'était la mode de Fauve cracher Voto, un peu sur Fauve. Le groupe Fauve. Il était en clash avec Fauve Voto. Et je rencontre le gars... Soirée de fou, le gars trop sympa. Je me dis putain, je suis un con. Pourquoi, pourquoi, tu vois, le pauvre mec, il a rien fait. J'écoutais ses sons, je suis devenu fan hardcore. Mais c'est vrai. Donc j'ai fait le chemin total inverse, quoi. Donc ça marche. Toi, en fait, t'as croisé Drake comment, Flo, dans ton truc? Parce qu'en fait, j'ai jamais capté ce truc. Même le cahier, c'est un truc que vous aviez acheté. C'est juste énorme. Non mais figure-toi que je vais le raconter chez Mehdi Maizi. Non, c'est pas ça. C'est que si vous voulez la vraie version longue, c'est 45 minutes. Hein, on y va pour non, dire, non. Non, voilà. Donc je vous fais la version courte. En gros, Olim. Pourquoi t'as choisi Mehdi Maizi pour le raconter? Parce que c'est un fan de Drake aussi. Mm-hmm. Et que je sais qu'il aura tous les codes. Mm-hmm. Puis t'as besoin d'avoir un peu une street cred parce que c'est pas fou à ce niveau-là, je pense. Pas du tout, aucun souci. Quel monde de chien. Et bref, oui, Oli m'a offert le carnet de Drake pour mon anniversaire. Ce qui est déjà un très beau cadeau. C'est un carnet qu'il a oublié dans son usine où il bossait. Ah, il l'avait oublié. Attends, il y a quelqu'un qui l'a revendu. C'est son tellement... oncle. Oh, son oncle qui a trouvé ça, il a dit putain, mais c'est pas les premiers textes de votre con là. Oh là là. Il l'a vendu, ça s'est vendu, vendu, en vendu, oh, etc. Oli l'a acheté pour moi. Ouais. Et il me donne ce livre. Et il me dit, ce livre, c'est pas ça le cadeau, c'est la clé pour rencontrer Drake, il me dit Oli. Tu sais, il est un peu mystique. Perforas pour moi. Attends, il y a vraiment une thématique. Tu rencontres Drake. Et du coup, bon, je vous passe tous les détails, mais on se retrouve à son concert au Madison Square Garden dans les loges. Pas son plus petit concert de non, sa carrière. En plus, non, c'est pas genre il passe à Bercy ou. Non, quoi. On se retrouve là-bas directement et on lui rend le livre en personne. Sauf qu'au moment où je lui rends le livre, j'ai pas la certitude à 100% que c'est vrai. Ouais. Parce qu'on me l'a certifié, mais tu connais les Américains. Bah, c'est comme le truc de Flo derrière là. Qui oui, est voilà, tu sais, j'ai un carnet de stand-up d'un humoriste. Tout le mémorabilia là. Oui, sais. Bien sûr, bien sûr. Il y a des certifs, mais on n'est pas sûr quand même. Bien sûr. Et quand Drake le prend, j'ai un moment de stress. De saut dans le vide, ouais. Et il me fait oh man, that's crazy, bro. Wow. Ah. Et là, il voit vraiment, il tourne les ah pages. Ouais, et on, il était et tu, vraiment ému, ouais, quoi. Tu le vois, ah, ému, il retrouve bien. Des vieux noms. Il appelle ses potes, il dit hey mec, tu te souviens de là-bas? Oh, ce restaurant, oh, cette photo. Et moi, non seulement j'ai rencontré le gars, mais en plus, je lui ai. Ouais, rendu c'est un petit souvenir et en plus je sais qu'il en se fait, souviendra. En fait, c'est un deal qu'il a avec son oncle. Il lui fait bah tiens, tu vends ça, il y a un mec qui va me le ramener. C'est le bouquin. Après, il lui rend, tiens, vas-y, revends-le. J'ai arraché 3 pages, je les ai gardées. Ah oui, bah quand même. Parce que vous lui avez rendu le bouquin. Je suis pas non plus con, hein. Je suis pas con non plus. Mais il t'a rendu la thune? Non, putain, j'ai demandé à pas. Ils ont, tu connais les quinries, ils avaient du cash prêt. Ouais, ah oui, d'accord. Ils ont dit how much you want, how many you want. Sauf que moi je voulais pas que ce soit juste un truc de il me donne du fric et je sers la main à Drake. Fais une story Drake et t'emmerde pas. Mais le fait que j'ai pas demandé d'argent Drake, j'ai vu. Enfin je crois. Je crois que ça l'a touché. Oui. Et que du coup il nous ça veut juste dire que t'es riche. Il nous a réinvité. Oui aussi. Il nous a réinvité le lendemain. Il m'a offert du merch. C'est cool. Il m'a dit guys you come again tomorrow. Tu vois, il m'a parlé. Ça a duré quand même. J'ai gratté un petit 5-7 minutes à Drake. Non, c'est pas joli, rien. C'est joli. C'est pas juste c'est oh, pas thank rien. You ciao quoi. Bah oui. Donc c'est ciao tu veux dire. C'est ciao comme l'expression de Squeezie. L'expression. Est-ce que c'est bon pour vous là? J'aime trop quand il dit ça. Il y a une quantité de punch Squeezie. Et Flo disait yo tout le monde c'est Big Flo. À l'époque, c'était lui. Et toi, Léna, t'as fait le Met Gala? J'ai fait le Met au Gala. Au States. Oh ouais, comment on va de l'un à l'autre? Comment on est à l'aise, en fait, tout simplement? En fait, il faut le visualiser comme une grosse cantine tout avec des stars. D'accord. C'est-à-dire que tu fais le tapis rouge, et en fait, le tapis rouge, c'est un moment qui est tellement stressant pour toutes les personnes qui y passent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon moment de tapis rouge, et je pensais que comme j'étais vraiment la plouque invitée, et même encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais là-bas? Je me suis dit, bah, je vais être la seule à stresser. Moi, j'en avais perdu des cheveux tellement j'étais stressée et tout, puisque je savais que pour moi, c'était un moment très important. Ouais. Et je fais mon tapis rouge, je reste un peu pour faire les interviews, et puis il y a Kendall Jenner qui fait son tapis, donc juste après WAM. Elle parle avec ses copines et elle me dit How was it? I was so stressed. Genre, Kendall Jenner, comment t'es stressée de faire ça? Et au final, quand tout le monde a fait le tapis rouge, t'as plus le droit d'utiliser ton téléphone à l'intérieur, il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de vidéo, t'as pas le droit de venir avec des assistantes, avec des bodyguards, avec quiconque, tu viens tout seul, t'as pas le plus un. Et donc, du coup, ça fait que t'es juste avec des humains, parce qu'en fait, ces gens-là, quand tu leur retires l'armée de personnes qui, elles, sont hyper intimidantes, eux, ils se retrouvent entre eux, et en fait, c'est comme si nous, on se retrouvait là et. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est podcast, vraiment ça ou pas? C'était vraiment ça, je te promets. Et c'est genre normaux, ils étaient pas un peu chelous, star bizarre, riche, Illuminati? Non, mais en vrai, tu vois, parce non, que des fois, ça peut les décrocher un peu hors sol, tu vois. Ouais, mais là, je l'ai pas ressenti. Après, putain, dès qu'on est arrivé, ils ont tous commandé des shots de tequila. Et c'est parti comme une soirée qu'on pourrait se faire entre nous. Ouais. Sauf évidemment avec ça a branché un Mac, ça a regardé des vidéos YouTube. C'est vraiment non, après pour le coup, j'étais avec. J'ai croisé Stromae et on était les deux seuls qui parlaient français. Oh, mais qu'est-ce qu'on fout là et tout. Et Stromae, c'était impressionnant parce qu'il y avait des restas qui traversaient toute la pièce, qui disaient pardon, sorry, excuse me, pour aller lui parler et dire man, I love your music. Ouais. Et c'est Stromae qui est en mode mais pourquoi qui c'est qui vient me parler? Et c'était tout simplement Shawn Mendes, Jack Harlow. C'était je connais personne, c'est une cata, je suis un ringard. Si, non, non, c'est des énormes stars. Si. On est tous le fan d'un autre de toute façon. Ouais. Ah ouais, quoi? Non. Ça veut dire quoi? Parce que non, moi en plus, j'ai acquiescé. J'étais d'accord, ouais. Non, mais je sais, j'ai pas compris. Je pense qu'il y a. C'est un peu le poule renard vipère du fan, tu vois. Oui, ok, d'accord. Il y a, oui. Toi, tu peux être très fan de Brad Pitt, qui est très fan d'un acteur, qui est lui très fan de toi, tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément des mecs très connus qui écoutent le Floodcast. Et vous, c'est en mode putain, mais comment ça se fait qu'il écoute? Ben, c'est juste que le gars il fait son footing, il vous écoute et il est devenu fan alors que c'est une énorme star. Peut-être Brad Pitt vous écoute, vous le savez même pas. Mais ça, c'est le cas, ça on le sait. Ah ouais, Brad... nous, j'aime bien que tu nous, en tout cas, que tu nous aies pris comme exemple du bas de l'échelle. Même vous, hein, les gars! Même vous, les gars! C'est parce que t'as commencé en disant la moitié ne t'aime pas. Non, mais poule renard vipère, voilà, tu as remarqué, chaque équipe est égale. Bien sûr. Même des merdes comme nous peuvent avoir des. Espérer, même votre podcast, là, la seconde zone, là, votre truc un peu de geek. Votre truc de geek de niche. De weeb. Ben voilà, il y a un truc, il y a une star un jour qui pourra vous écouter. Mais on en a parlé la semaine dernière. Ouais. Mais c'est qui votre audience? Là, voilà. Elle a remis sa veste. J'ai mis mon blazer avec épaulettes. Qui est votre audience? Franchement, c'est pas trop. C'est du, je pense, entre 17 et 30 et quelques années, je pense. Mais il y a des jeunes. Je décalerais plus. Ouais, je décalerais vers là. Il y a du jeune, hein. Mais moi, j'ai accès aux stats. Oui, c'est vrai. Si vous êtes jeune et que vous écoutez, mettez-le dans les coms. Les coms de. Dans les DM de Flo. Alors, j'ai une question, vu que je suis avec deux purs jeunes. On dit plus SMS? Si, on peut dire SMS. J'ai un gars qui m'a dit, SMS, c'est un truc de ringard. En tout cas, plus personne n'utilise. Ah ouais? WhatsApp? Ah ouais? Non, mais le mot SMS. En fait, on ne se pose même pas la question vu que ce n'est plus utilisé. C'est une application que c'est vraiment pour mes spams et la banque te demande de vérifier ton compte. Exactement. C'est tout. Sinon, c'est que WhatsApp. SMS, les e-messages? Vous utilisez les e-messages? Que WhatsApp. C'est incroyable. Ben moi, mon neveu qui a 21 ans, c'est une des rares personnes qui m'envoie des messages justement. Donc je suis perdu. Il vit aux États-Unis. Non, parce que aux États-Unis, ils utilisent iMessage. Pas WhatsApp. Ouais. C'est vrai. Et moi, j'utilise. Mais pas. Vous savez, alors là, tu me diras, tu me cutteras si c'est trop long, mais il y a Kendrick Lamar qui a sorti un téléphone hier. D'accord. Ça s'appelle les dumbphones. Toi, tu dois connaître cette technologie. Oui. Ah oui. Où tu retournes en arrière. Oui, je pense que ça, c'est le futur. Dont on parlait avec ton frère dans le dernier podcast. Le Fairphone? Non, c'était pas le Fairphone, mais c'était le Lightphone. En gros, c'est un Nokia 3310, quoi. Simplement le Lightphone 2. Mais c'est pas du tout Kendrick Lamar, par contre. Bah, tous les articles disent que c'est. En fait, c'est un téléphone où tu peux juste envoyer des messages et appeler, et t'as pas. C'est ça, hein, t'as minimaliste, pas toutes les distractions des applications, de machin. Et l'écran, c'est comme les paperbooks, là, voilà, comme les Kindle et tout. C'est ça. Je pense que ça, c'est le futur. Mais tu te rappelles que j'en ai parlé à Oli et il a dit, ah, ça m'intéresse, j'ai regardé et tout. Tu te rappelles pas? Non. On a parlé de ça. Mais c'est un peu des trucs de productivité bizarres, parce que moi, en fait, j'avais enlevé beaucoup d'applications sur mon téléphone, et en réalité, on en a quand même, tu vois, un Google Maps. Mais il y a Google Maps sur le Fairphone. Mais montre-leur son application Flo, il a une application qui lui hurle dessus quand il va trop longtemps sur Instagram ou sur. Ça sera peut-être ma roco de tout à l'heure. Ah bah alors on la garde pour tout à l'heure. Et ça marche vraiment ça? Oui. Parce que les. J'ai changé. Les TikTok des gens qui disent dis donc, t'es encore sur TikTok? Tu fais oui, bon. Oh ta gueule. Laisse-moi tranquille. Les pouces crevés. J'ai jamais téléchargé TikTok moi. Est-ce que vous trouvez pas que Instagram est quand même beaucoup devenu. J'ai l'impression d'être sur TikTok quand je suis sur mon truc d'Instagram. Oui, mais c'est les TikTok de vieux, quoi. Enfin, c'est les TikTok de 3 semaines après. Ouais. Non, mais je demande parce que c'est les Reels. C'est largement suffisant. Ouais. Non, mais TikTok, c'est plus drôle que Reels, je trouve. Ah oui, tu trouves? Ah ouais. Dans la ville de Hasbrook, un élève a réussi à pirater la page Google de son école. À votre avis, qu'a-t-il fait? Page Google? Hasbrook, c'est en France? Non. Ouais, c'est dans le Nord. Non. Ah! Hasbrook? Oui, attention. Big up à tous ceux qui vivent à Hasbrook. Parce que vraiment, force à vous. Hasbrook. Hasbrook. Bah ça fait un peu flamand. Insulte du. Non mais ça fait flamand comme. Il a mis un montage de son prof avec une tête d'animal. Qu'est-ce que c'est une page Google par contre? C'est quand tu tapes le nom de l'école, quelque chose apparaissait sur Google par rapport. Ah donc en gros les résultats, il a réussi à faire passer un truc en premier. C'est ça. Avant le vrai. Alors c'est pas vraiment ça parce que sinon ça donne la réponse. Mais il a relié à Pornhub. Non. Ah, est-ce qu'il a fait un truc, il a payé un truc sponsorisé pour que ça apparaisse? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il avait fait un site, alors là il est brillant. Non, où il y avait sa tête, toute une vidéo, un jeu de piste qui démarre. Ouais, adoré. Non, il a fait un petit canular, mais on n'est pas loin. Hein, un cimetière, un truc genre. Ça sera décevant. Non, mais... la réponse est. Non, mais. Je le sens. Très bonne question de Florian. Oui. Ce sera décevant. Oui, je peux vous rechoper sur comment il l'a fait. D'accord. Ah, okay. Voilà. Il a dit que l'école était fermée. Non, mais bien c'est décevant. Vrai, ça doit être un truc comme ça, oui. Ah, t'as raison, ça doit être bien décevant. Un truc un peu décevant comme ça. Il a relié en fait à la page Google d'un asile parce que c'est tous des fous dans ce lycée. En fait, moi je n'arrive plus. Je un nazi. Non, un asile. Un asile. Avec trois L. Moi j'arrive pas à réfléchir parce que je ne comprends pas ce qu'on cherche. Voilà. Alors je vais te donner la réponse. Page Google, je comprends pas ce que ça veut dire. Bah, j'adore ta précision, c'est vrai que c'est mal expliqué. Est-ce que, du coup, tout est ta faute, Flo. Quand tu tapes le lycée sur Google, tu fais recherche et là c'est dans les résultats, on est d'accord. C'est le premier truc qui apparaît. Ok, okay, c'était extrêmement clair. Oui, mais d'accord, donc en fait il a rien, il a pas hacké, enfin il a. Si, d'une certaine manière. Je suis devenu Lycée Moon. C'est devenu l'école la moins bien notée parce qu'il a payé des bots qui ont mal noté sublime. L'école. Je vais vous donner la réponse. Non, mais attends, je vous ai plu. Non, mais si, mais attends, on va trouver. Adrien. Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche. Non, mais j'ai vrai. Pas la patience de ça. Non, mais est-ce que c'est. En gros, en premier dans les résultats, il y a un autre site, c'est ça? Non. Donc il a hacké le site de son école en fait. Je vais te donner la réponse. Il a hacké le titre. Du oui, site de son école. Très bonne réponse. Il a renommé l'école. Okay. Comment il l'a renommé ça. Quel est le nom de l'école de base? L'école s'appelle le collège Fernand Benoît d'Hasbrook et il l'a rebaptisé collège Jean-Marie Bigard Macouillas. Pas mal. Non, pas si mal. Oh, non, mais pas si mal. Attends, c'est Google Maps? Google normal. Apparemment sur avec le moteur de recherche Google. Toi, tu n'as toujours pas compris ce qu'on cherche. Mais non. Regarde, je te demande, là si je tape ma marque de fringues visionnaire. Bon, déjà tu vas dégueuler parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Là tu vas prendre un site. J'adore, ouais. Je pense que là dans ça il a transformé là. C'est ça, exactement. Il avait marqué au lieu de marquer c'était visionnaire. C'était vraiment pas marqué... compliqué, les garçons, ça fait 15 minutes, on l'a tous compris. Oui, mais on est des mecs de la tech, nous deux, donc il faut. Ça c'est le titre de la page, donc il faut hacker le site pour faire ça, c'est ça que je veux dire. Oh, il est précis, tu vois, c'est ça le mec de la tech. Il a raison, si tu rentres pas dans le code HTML, mais si avec tu un petit code HTML justement, tu changes le titre, je pense, assez facilement si le site n'était pas très sécurisé. Je pense que c'était voilà. Le cas. Si donc c'est écoute, le site, c'est pas Google. Si il nous écoute, voilà, qu'il n'hésite pas à nous dire comment il a fait. Voilà. Non, mais Jean-Marie Bigard Macouillas, franchement, il avait tant d'opportunités. Qu'est-ce que vous aurez mis, vous? Ça, moi, je peux aimer, parce que c'est très précis. C'est vraiment ce que disait Jean-Marie Bigard dans l'interlude de Seth Gecko. Donc c'est quand même. T'imagines la marade pour lui et ses deux potes là. Mais ça, c'est un souvenir, c'est unique. Mmh. Moi, je pense que je pleure, j'aurais pleuré des bien jours. Bien sûr. Hein. T'aurais mis quoi, toi, comme nom? Oh. Drake. Oh là là. Ah, c'est Bulle Bizarre ou Drake. Drake, c'est le meilleur à .com. Non, mais il y a un... Oui, et moi, je pense souvent à... Des profs l'ont engueulé, sûrement. Peut-être oui. Les parents ont été convoqués. Moi, mon mais comment rêve, il s'est fait griller, ça, je comprends pas. Bah, parce que t'es allé sur Google et ils ont vu qu'il y avait ça. Je pense qu'en fait, ça a tourné entre... Adrien... Non, je suis perdu, pardon. Je... Non, mais ça a dû tourner entre les élèves et donc du coup. Ah oui, je pense s'est fait sorti... dénoncer, d'accord. Je pense, ça a dû sortir comme ça. Ton rêve, c'est que tu te fasses convoquer par le proviseur pour de ma fille votre pour un enfant. Truc débile, pour un truc de ce niveau-là. C'est bien, dis-lui pendant que. C'est ça. Non, pendant mais que tu l'éduques, dis-lui, fais bien de la merde, j'ai trop hâte. Moi, je pense, je suis d'accord avec imagine, toi. Imagine, il y a un prof. Déjà, moi, j'ai très peur des rencontres parents profs parce que j'aimais pas beaucoup les profs et je sais pas comment je vais vivre des profs qui peuvent être un peu durs avec ma fille et où je trouve que c'est injuste. On sent le père, tu n'iras pas. C'est vrai, je pense que j'irai pas. Si elle frappe un autre élève, tu vas dire oui mais aussi qu'est-ce qu'il a fait, parce que ma fille je la connais, hein. Ma fille se fait mordre à la crèche et je suis même pas énervé, j'ai rien fait, alors que ma meuf, après c'est vraiment des bébés quoi. Oui, mais alors que ma meuf, parce qu'à la crèche ils te disent pas qui mord qui, tu vois, ils sont dans un espèce de truc de non, à pas commencer à rentrer là-dedans. C'est des bébés cadoms. Écoute-moi bien. Ma meuf, on a fait une mission de savoir qui a mordu cette fille. Est-ce qu'elle a pris les marques de la dent et après elle a regardé la dentition de tous les moulage, bébés? Elle a fait un moulage. Elle est partie en Liam Neeson dans Tekken. Elle a dit je vais retrouver ce bébé. Le daron de ce mec. Ouais, c'est sûr qu'il a rigolé. C'est impossible. Je vois pas. Il peut pas juste être 100% énervé. Mais et ça doit être déjà, dur c'est de le cacher daron à son qui fils. Lui a expliqué qui était Jean-Marie Bigard. Ouais, c'est possible. C'est vraiment un truc de daron. Moi, c'est mais non, pas mais c'est le même. Il y a un même. Il doit le raconter à ses potes, le daron. Mon fils, c'est un génie. Il a fait une connerie. Mais non, mais c'est le même là, le montage avec Spider-Man, vous l'avez pas vu? Ça, c'est référence à ça. Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a, vous l'avez pas vu? Ils avaient foutu il Jean-Marie Spider-Man avec Jean-Marie en gros, Bigard. Ouais. Ouais, ouais. T'as pas vu cette putain, vidéo? J'ai raté. Attends, j'ai raté un TikTok là. Fonce sur un TikTok. Est-ce que vous avez fait des bêtises sur au collège ou au lycée? Ou est-ce que vous étiez plutôt un peu genre on se fait pas remarquer, Big Flo, toi? Bah, t'étais un fanfaron, toi. Moi, j'étais un intello. Et j'étais populaire quand même, blagueur, mais j'étais vraiment un lâche. On parle de quelle période là? Plutôt collège? Plutôt lycée? Collège. Ouais. Lycée, collège, tu faisais de la musique un peu. Oui, oui. Ouais. Non, mais collège, genre j'étais vraiment le lâche. J'avais toujours peur de faire des trucs interdits. Ouais. Parce que ma mère était trop méchante. Genre si. En fait, c'était pas le milieu scolaire qui me faisait peur, c'était ma mère. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, ça valait pas le coup de rentrer et de dire à ma mère, maman, j'ai fait ça. ça valait pas le coup. La blague n'était jamais assez drôle par rapport à ce que j'allais me prendre derrière. Donc j'étais à carreau. Est-ce que toi aussi, ta mère avait une espèce de méconnaissance de ce qu'est l'école, et donc là, à chaque fois que l'école lui parlait, elle était vraiment sur ses gardes, genre moi. Si genre la note était en dessous de la note de la classe, enfin tu vois, tout était elle prenait tout mal, quoi, tu vois. Moi j'avais l'inverse, ma mère, je disais j'ai eu 12 mais tout le monde a eu 11, hein. Elle dit je m'en fous des autres. Oui, et puis après, oui, disait, ça, maman, j'ai eu 17 et les autres ont eu combien? Ouais, ça, c'était jamais, c'est injuste. Ouais, ça c'était, bah ouais, j'avais la même à la maison. Moi elle faisait un truc qui me rendait fou, c'est... moi j'étais très peu soigneux, tu vois, j'étais pas plutôt bon élève mais très peu soigneux, et elle prenait mon classeur, elle le retournait et elle le secouait. Parce qu'il y a plein de feuilles qui tournaient, bah c'était oui. Le bordel et tout. Mais quoi, les œillets encore? Ouais, fallait acheter des œillets, sa mère, le petit. Je me rappelle le petit stickers blanc que tu mettais sur les trous de tes pages. Ouais. Ah oui, oh putain, tu m'as débloqué un souvenir. Bleu et blanc. Oh. Mais ça, non, ça marchait ça jamais pas. C'était pour les bien. Riches. C'était pour les riches, ça. On n'avait pas ça, nous les pauvres. Ah non, bah vous. Nous, on n'avait même pas de classeur, mon frère. À l'ancienne. Mais c'est vrai que t'as un vécu, toi. J'ai un vécu. Et on n'avait pas le temps pour les trucs blancs, les œillets, je sais pas quoi. T'es fou, toi. L'inverse de ce que t'as dit juste avant. Vraiment, simple intello. Exact. Très tranquille avec des geeks. On jouait un Magic dans la cour. Pas une vague. Écoute-moi bien, j'ai pas fait une seule vague. Très apprécié des profs. Chez Castello Lopez, tu dis oh, avec Oli, on était un peu les fanfarons, machin, on faisait des intéressants et tout. Donc tu dis l'inverse. Non, mais je faisais au lycée peut-être. Non, mais j'étais un fanfaron, mais. Même les profs, ils aimaient bien, tu vois. C'était bonne ambiance, c'était jamais ah, j'ai cassé un truc, d'accord, ah, j'ai fait un croche-patte. T'étais ah, sympathique. Élève sympathique, marqué sur le. Adorable et sympathique, sans mais problème. Mais est-ce que c'est pas les pires, ça? Moi, parce que moi, j'adorais faire rire les profs. Non, parce que j'étais un peu je ne peux pas l'imaginer faire du rap, il disait. Je ne peux l'inverse, pas imaginer qu'il fasse du rap. Est-ce que t'es respecté par les élèves quand tu fais ça? Ah non, tu vois. Je sais pas. Non, mais moi je faisais d'abord rire les. Oui, tu fais rire que les profs. Oui, t'es... Mais... non. C'est... Mais c'était pas cool, ça. Ah bon. Toi, tu voulais juste faire rire la prof de français. Peut-être tu les rattrapes dans le comme couloir. Comme disait mon passant, comme disait mon passant. Elle fait. Candide de Voltaire. Et les mecs à la sortie t'attendent. Ils merde. Non, non, aucun souci. Au top. Et toi, Léna, t'étais quel genre d'élève? Moi, j'ai fait la scolarité à Paris. Du coup, on a commencé très, très tôt les conneries. J'en D'accord. ai un peu honte. Il y en a plein que j'ai pas encore forcément raconté à mes parents. Du coup, donc moi pas. Bien. Voilà, j'étais élève bavarde. C'est pour ça que quand j'ai lancé mon podcast, mes parents ils sont en mode oui, enfin, ouais. Enfin, tu rentabilises toutes les fois où on s'est fait convoquer parce que tu parlais trop. Mais après, non, j'ai fait des bêtises. On a fait voilà, j'ai essayé de fuguer. J'ai oh, ah quand même. Ah ouais. Mais je me suis pas réveillée. C'est-à-dire que j'avais écrit la lettre. Non. J'ai écrit la lettre. J'avais préparé un sac avec mes affaires, mes petits trucs un peu de valeur, mes petits bijoux, un couteau au cas où je me fasse poignarder bien dans sûr. La rue, oh, évidemment. Et j'étais avec ma copine, on a dormi, on s'est dit bon, on se réveille à 4h du matin et on se casse. Incroyable, c'est totalement. Je me réveille à 10h du c'était matin. C'était chez toi ça? Ouais, vous chez moi. Chez... Okay. Soirée piche qui dérape et ma daronne qui me réveille à 10h du matin en mode Léna, c'est quoi la lettre? Et j'ai oublié de me réveiller pour aller fuguer. Je m'étais mal organisée. Non mais c'est génial. J'avais pas mis le double film. On Et t'as, oh. Mais t'as un pote, mauvais film. Ouais. T'as pote un film qui à bout de 5 minutes s'arrête. Un TikTok. Oui, sa pote elle est partie à 4h du mat. On ne l'a plus jamais revu. Non et tu te réveilles con ou quoi? C'est-à-dire va faire le petit déjeuner après avoir écrit une lettre où tu dis à tes parents fuck you, fuck la société. Moi j'étais très Jenali, on m'appelait Lenali à l'époque, donc j'étais en mode. Oh. Ah, t'étais une émo? Ouais, belle et rebelle. J'avais la mèche rose. Non, j'avais bien sûr. T'étais émo à l'époque. Bah, il fallait bien que je me fasse remarquer moi aussi de ma façon, quoi. Incroyable. Mais attends, je connais un peu ta maman. Mm-hmm. Elle t'a pas défoncé? Bah, si, je suppose. Ah, défoncé, ouais. Mais pour une fois un peu en mode. Aïe. Inquiète. Un peu inquiète, ouais. Okay. Ouais. Et un peu, c'est la loose quand même aussi, parce que tu l'as pas fait. Mm. Tu vois, il y a rien de truc. Je... Tu t'es même pas réveillé. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est t'as pas. Qui t'a fugué, fugue pour de vrai. Quoi. Je pense qu'il y a dû avoir une inquiétude ça, aussi. Ça, c'est mon sur frère. Tes capacités, genre, elle est même pas foutue de. de sortir de la maison. C'est le truc le plus simple. Qu'est-ce qu'elle tu va faire de sa vie, quoi. T'as juste à sortir. Elle peut pas se réveiller le matin. La on lumière allumé... de chez toi s'adapte à non, la lumière. Non, allumée. Connard, il vient de l'allumer. Par un système, oh, wow. Par un système très simple d'interrupteur. Elle t'a dit connard et même moi ça m'a choqué. Je suis un mec de la tech, je cherche toutes les nouvelles non, techno. Ça fait 8 minutes que Big Flo il regarde partout en mode oh, quoi ouais, c'est vrai que... Il y a une technologie de fou alors que. C'est vrai que c'était bizarre. Il vient d'allumer la lumière. Un simple interrupteur. Waouh. Il a plus l'habitude de traîner avec lui, il a des domestiques qui lui allument la lumière. Attends, mais c'est automatique, mais non, tu sais que tu peux le faire toi-même. Il a une caméra, dès que la lumière descend, hop, ça s'allume automatiquement. Non, non, c'est un interrupteur. C'est quoi tes petits caprices de riche, Flo? Oula. Oula, je me suis fait assez détester dans cet épisode. Je pense qu'on va pas en rajouter. J'ai aucun caprice. Alors, le casino. Oh, on a fait, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait une grosse soirée casino. Attends, parce que peut-être qu'il a pas envie. Si. Écoutez, au point où j'en suis, j'ai 30 balais. J'ai roulé ma bosse. T'es tapis, toi. Non, on a été accro au casino avec Oli pendant un moment. Attends, mais pour dire la vérité, ouais, faut dire la vérité. Oli aussi. Ouais. Alors, le philosophe. Il tombe, l'autre il tombe aussi. Ah, le philosophe. Tu sais, moi, c'est les jeunes dans le métro. Ouais, pour casino. Ouais, mais parce qu'il y avait cette poésie aussi dans le casier. Ouais, il y a une sûr, vraie ouais. poésie. Oui. Nous, surtout que nous, en plus, alors, j'ai vu aucune de poésie à chaque fois que je voilà. Quand on est autour de la roulette, il y a plus de riches, de pauvres, de machins. On est tous égaux. Ah, il y en a. Moi, j'étais autour de la roulette. J'ai joué à la roulette avec toi. Il y avait un riche et un pauvre. Hein. Vraiment. Ne serait-ce que sur les mises. Ce truc de tout laisser au hasard, au destin, c'est grisant un peu. Alors ça date, mais vu qu'on allait là, je me dis, bon, autant en profiter. Dans quel lieu surprenant, une marque qui s'appelle Vêtements a organisé un défilé de collection printemps-été 2020 en juin 2019? Dans les égouts? Non, pas dans les égouts. Tu le sais, ça. Ça me dit quelque chose en plus. Ils ont défilé, c'était à Paris? C'était à Paris. Parce qu'ils défilaient à la Paris. La Tour Eiffel? Non, j'étais en personne. J'ai la réponse. Ah, tu l'as? Non, j'en suis quasi sûr. Okay. Vas-y. Et je la donne là. Bah, vas-y. Les catacombes. Pas du tout. Mais ouais. J'adore. Le métro. Pas le métro. Mais il y en a eu aux catacombes. En vrai, tu l'as vu passer ce truc-là? Non, un hasard total. Oui, je voulais faire j'ai le show. J'ai dit les égouts, il a dit un truc un peu similaire. Métro, tu peux pas. T'as dit quoi, Léna? Métro, tu peux pas. Non, métro. Est-ce non. que c'était un lieu plutôt basique et ils l'ont transformé en quelque chose de spé? Honnêtement, c'est un lieu plutôt basique et ils l'ont pas tant transformé, ils l'ont gardé assez basique. Juste métro, tu peux pas, mais il y a une station de Paris, une station de métro à Paris qui est Porte genre... des Lilas. Ouais, Porte des Lilas. C'est le seul truc où t'as le droit de filmer là-bas. C'est ça. Donc ça aurait pu être là, mais non. C'est vrai. Léna, tu l'as pas, ça? Non, sérieux, je l'ai pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Vêtements, en question là. Vêtements, c'est un lieu insolite, c'est ça? C'est un surprenant, oui, pour un défilé de mode, bien sûr. Est-ce que c'est un lieu dans où on a l'opportunité d'aller au quotidien? Bien sûr. À une époque, vous m'y aurez trouvé, mais quasi quotidiennement. À quel point ça t'énerve, Adrien, que la marque s'appelle Vêtements? Non, ça va. Non, ça le va. Côté genre. Un magasin vêtements. De BD? Non. Un magasin de bouquins? Bah, ça dépend. Non, c'est une marque française ou pas? C'est une marque française ou pas? Parce qu'une marque japonaise qui appelle Vêtements, tu vois, je dis oui, ok. Un resto? Lui faire français. Faut demander à Léna. On s'approche. Un food court. Un McDo. Ah, pardon. Ouais. Désolé. Tu sais que j'ai acheté ça. Pour pas faire de bruit? Pour pas. Non. Parce qu'il y avait le truc de mon étui d'iPhone, d'AirPod là. Pour expliquer aux gens, parce qu'en fait, t'as un petit. Peut-être vous l'avez entendu. Ah ouais, depuis tout à l'heure, c'est vraiment. Désolé, il a un petit truc pour se déstresser, ça fait un petit bruit. Oh, il l'a jeté. Non, mais je l'ai jeté. Je sais que ça le déstresse lui, mais ça stresse toutes les autres personnes. Ouais, c'est ça, mais j'en ai commandé un autre qui fait pas de bruit normalement. C'est bon, ok, pardon, attends. Pardon. Il défile les vêtements dans un resto, dans un food court. Dans un resto. Un McDo. Très bonne réponse. Ah oui, je l'ai dit avant que tu m'attaques sur mon fidget toy. Pardon, il faut que je te baisse un petit peu mon casque. Ah ouais, là, si je te tire les cheveux. Là, ça va mieux là. Merci, c'est parfait. C'est parfait. Donc, un McDo. Donc. C'est en 2019 que Denak Vesalia, qui est maintenant chez Balenciaga, pardon. Ouais, mais je le savais, hein. Bien sûr. Évidemment. Ah, mais c'est lui du coup qui fait tous les trucs un peu chelous. C'est lui qui IKEA, fait tous les trucs ça. Un peu chelous. Et c'est IKEA. Lui qui a du coup, vous avez certainement entendu parler de toute la polémique autour de Balenciaga. Mais alors, justement, j'ai une question, Léna. Comment tu. Imaginons, tu aurais quelqu'un qui est pas méga calé dans le monde de la mode. Ouais. Qui a même, imaginons. Mais faut l'imaginer, hein. Faut l'imaginer, okay. Faut l'imaginer, ce pas gars. Pas du tout autour de la table. Non, okay. Ça n'existe pas autour de cette table. Il y a que des purs gars de la mode. Pour le prendre par la main et lui dire, bah, je vais te montrer. J'imagine que t'as. Peut-être pas un petit mépris, mais voilà, un truc, tu connais rien, t'as une vision. Non, pas de mépris. Non, la personne a un mépris. Ouais, la personne est... Elle est pas méprisante, mais tu vois, elle se dit, oui, moi, j'y connais rien, et puis de toute façon... Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Comment tu la prends par la main pour lui faire découvrir ce monde? C'est 100% en l'emmenant voir toutes les personnes qui travaillent dans les ateliers, dans les équipes, de la création du vêtement, genre du dessin, jusqu'au moment où ça défile et que ça se retrouve en magasin. Mais évidemment qu'il y a un côté superficiel, évidemment qu'il y a aussi un côté très paradoxal, surtout dans ma position où moi j'essaye de proposer du contenu assez humble et assez grand public, disons, tout en proposant des sacs qui valent une fortune et tout. Mais moi, ce que j'apprécie sincèrement dans la mode, ça va pas forcément ce qui va se retrouver en boutique, mais c'est l'art derrière tout ça, c'est les histoires qui sont racontées. Et pour le coup, on parle avec des artistes, quand tu rencontres les créateurs, quand tu rencontres un Olivier Rousteing qui te raconte comment de quoi il s'est inspiré pour une collection. Enfin, si le créateur te raconte ses inspirations et qu'ensuite il les partage avec son équipe, comment chacun va l'interpréter, comment chacun va y passer du temps, qui c'est qu'on va inviter, comment on va les placer. En fait, il y a toute une science. Oui, la DA, en fait, c'est ça qui Il y a toute une DA et ouais. Vraiment, les histoires, c'est celle que je trouve assez passionnante, au-delà, évidemment, de l'aspect 100% manuel, de réussir à faire tenir des pièces, des vêtements, comment tu réfléchis. C'est du modélisme pur, c'est de l'architecture, à mes yeux, quoi. La mode, c'est bien que si tu te prends pas pour je sais pas qui, et que tu la prends avec second degré et que tu te concentres sur l'art plutôt que sur l'aspect. Si tu portes cette pièce, t'as la mode, si tu portes. Ce hit bag là tout de suite, tes tendances, mais dans 3 mois faut que tu le changes. Ouais. Ça, c'est l'aspect qui est néfaste et que je comprends votre désintérêt, votre mépris par rapport à ça. Non, non, en plus, moi je suis pas du tout mépris. Moi je suis pas du tout mépris, justement. Si, tu l'es. Non. Tu l'es au quotidien. Mais pas du tout, justement. J'y vais, je te pose la question, justement, parce que je trouve ça intéressant. Je vais te montrer 3 looks, Léna. Du coup, c'est l'inverse. 3 looks, Léna, de gens qui ont fait des tapis rouges. Et alors les gens n'auront pas l'image, mais peut-être tu peux voilà nous dire à peu près ce que ça t'inspire. Donc c'était au Web Comedy Awards. Je pensais que c'est une photo de Florent au Web Comedy Awards. C'est le YouTuber Flaubert à l'époque qui faisait partie du crew Golden Moustache et qui s'est dit là c'est alors pour le connaître un peu, qui s'est dit c'est une soirée un peu télé, faut être un peu bien habillé. Comment est-ce que tu trouves déjà est-ce qu'il y a une faute de goût? Alors déjà le Orangina qui sponsorise la soirée. Oui, bah ça, oui. Sur le photocall. Ça, il l'a pas choisi. C'est le seul truc qui gâche. Ah oui, le reste c'est parfait. La casquette, non, la le costume casquette. Écoute, moi je trouve que ça dit quelque chose de toi. C'est-à-dire, j'ai envie de jouer le jeu, j'ai envie de vous montrer mon respect, mais en même temps, je suis qui je suis. Et je vous emmerde un peu. Mais bien joué, c'était un peu mon état d'esprit. C'était oui, très fort. La position des mains. Par contre, montre un certain embarras. Posé sur les cuisses alors qu'il est debout. En fait, posé à plat sur les cuisses, les mains posées à plat sur les cuisses montrent. Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment la pose de photo de classe où on te dit de mettre les mains sur les cuisses, sauf que là, t'es debout quoi. Et il y a vraiment, je pense qu'il y a un truc dans l'inconscient qui fait ah, il faut que je mette les mains sur mes cuisses. En vrai, là, vrai ridicule en fait. La photo de classe, ça sert pas un peu à rien. C'est alors, j'entends. Elle mais... dit ça à copain d'avant. C'est... ça va pas, Léna, qu'est-ce que tu lui dis? Mais moi, je suis retombé. Quand tu retombes dessus, ouais, et voilà, tout, les ça. Souvenirs. Ok, la photo individuelle. Ah mais moi j'ai jamais eu ça. Mais la photo avec tout le reste de la classe. Ah moi j'aime ça. Ah moi c'est celle-là que je préfère moi. Ah, ah moi ouais. Parce que du coup t'es égocentrique. Tu retrouves mais déjà. Non mais, mais ça on en doute pas. C'est la base de mon métier. Tu les détestais tous. Non mais parce que moi mais je trouve. Tu t'en rappelles pas? Je me souviens de chaque personne. Un peu ouais. Je te jure les prénoms et les noms de famille de l'école primaire collège c'est inoubliable. Ouais, je suis d'accord. Et je vais tous les citer. Allez. Antoine, Louis. Antoine, Louis. Big up, les gars. Clément aussi qui écoutera sûrement. Non, mais oui, moi, c'est le côté, entre guillemets, Madeleine de Proust, c'est que ça te réveille des souvenirs. Tu vois une tête, tu fais ah ouais, elle était là et lui, il était là. Mais toi, t'es pas dans le passé, t'as revu ou pas? J'en ai revu. Là, réflexion. Wow, je me rappelle de rien. Ah ouais, d'accord, c'est drôle. Même la prof, plein même de gens les... comme toi. Mais bah, j'ai envie d'en parler avec les gens qui n'ont pas une forte mémoire. Je me rappelle pas du prénom et du nom de tout le monde. Ah, c'est drôle. Et même des fois, je les recroise dans la rue, des gens avec qui j'étais il y a 3 mois. Ils me disent, mais on était ensemble. Je dis, ah. Hey, t'as pas de mémoire. Ouais, j'ai dû arrêter de dire. Sûrement. Ouais. Non. Attends. Ah ouais. Je me souviens. Mais tu n'es pas quelqu'un de nostalgique, peut-être. Ah si que. Ah ouais. Bon. Non, bah, mais attends, avec mes amis. Tu ne peux pas être nostalgique d'un truc que tu ne te souviens pas. Tu es insaisissable. Je suis tout. Je veux participer à toutes les conversations. Je veux à tout prix le prochain look. Avec plaisir. Alors c'est celui de gauche. C'est celui de gauche. Alors attends. Est-ce que j'ai bien lu? C'est pour les. C'est pour les Orange Rock Corps. Parce que bon, je précise, donc c'est Big Flo et Lee, mais on va s'arrêter plus sur Big Flo qui a un t-shirt Amour, gloire et fessé. Alors t'as l'air d'avoir 14 ans dessus, de n'avoir jamais mis de fessé de ta vie. C'était sûrement vrai en plus. Mais par contre, Flo, faut qu'on parle, t'as vraiment fait un glow-up phénoménal. Ah bah, sûr. Là, t'as plus une tête à te prendre des fessés par ton daron. Par ton daron. Ah putain, en plus. C'était quoi? C'était où ça? Je me souviens pas d'où c'était, mais je me souviens de ce t-shirt parce que pour moi c'était le top de la dissidence, tu vois. Bien genre, sûr. Hey, oh là là. Amour, gloire et fessé, c'est horrible. Très ça parle Eleven, un peu de cul. Hey oh. Très Eleven Paris, ouais. Un peu. Oh là avec là, la moustache. Quel ringard, mais quel. C'est horrible. Ouais, c'est un peu. Ça a mal vieilli. Il y a plein de trucs que j'ai mis qui ont mal vieilli et que je mets aujourd'hui qui vieilliront mal. Ta doudoune Pokémon avec laquelle t'arrives. Voilà, exactement. Elle a marqué les esprits visiblement, cette doudoune. Amour, gloire et fessée, la honte. C'est terrible. Oh là là. T'as dit trois looks. Ah mais j'avais celui-là, mais il est moins marrant que les autres. Ah, c'est horrible. Ah, non, mais si, elle est belle. Il est super. Non, parce c'est... que je trouve que celui qui est le... Ah, c'est Cannes série en plus. Ça, pour le coup... C'est plus récent, déjà. Je le sais, t'es pas dans le thème. Ah, pas du tout, mais alors... Moi... Parce que pour le coup, lui, il avait mis un costume, un truc qui avait l'air plutôt casual, et toi, tu mets une banane, un truc qui est vraiment... Non mais là, la même pour sortir dans la rue, je trouve ça immonde. Mais tu sortais sauf du sport. La banane. Non. Mais moi, j'aime pas. Enfin, l'idée de foutre un costard juste pour la cancerie, me ça. Non mais tu peux mettre un t-shirt blanc sans mettre un costard. Entre la parka et la banane, il y a un monde avant de tomber sur le costard. Non. Mais là, c'est immonde. Ce manteau, il est infect. Alors, voilà, tout ça, je le mets plus. C'est un crachat à la gueule de cancerie. Non mais je m'en branle. Mais la pause. Ouais. Les petits pouces dans la poche. Ridicule aussi. Non, nul à chier. Rien n'est bien. Mais non, la banane, je l'aime bien, mais bon. Elle est pratique. Voilà. Mais bon. Non. On mettra les photos en story. Vous pourrez aller les voir. Mais par contre, ce serait aujourd'hui, je m'habillerais genre normalement. Je mettrais. T-shirt noir, pantalon noir. J'irais comme je suis, tu vois, avec des fringues. Je sais pas. Bien là. Genre ça, j'en sais rien. Mais Steve Jobs, hein. Attends, Steve Jobs, c'était quand même. C'était pas ouf quand même. C'était un pantalon qui remonte jusque là avec un col roulé, c'était horrible. Mais c'est avec des baskets de tous les jours, un col roulé et un pantalon taille mode. Avec des chaussures de prof de techno. Oui, mais c'est devenu mode avec le temps. Oui, d'accord, c'est l'anti-mode. Enfin, chaussures prof de techno. Pas du tout, mais rien à voir. C'est des mocassins de luxe que tu me colles. Ton prof de techno, il a gagné dans la crypto, hein. Parce que mon prof de techno, il avait pas des mocassins de luxe, Léna. Mais elle se souvient pas, rien. Un film français qui avait commencé timidement son chemin dans les salles obscures, cumulant peu d'entrées, a du jour au lendemain est devenu en gros un énorme succès. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, excuse-moi, j'ai pas le début, je l'ai pas. Articule. Un film c'est français. Que tu veux te dire. Non, c'est moi, j'avais décroché. Un film français qui avait commencé timidement son début en salle, quoi. Il faisait pas beaucoup d'entrées. Oui. Du jour au lendemain, c'est devenu un carton. En ce moment, il vient de sortir. Enfin, il est sorti il y a pas très longtemps. Il l'a. Les catacombes. Je l'ai pas. Je suis juste accro à parler. Est-ce que c'est pas un genre de petit dessin animé indé, mais qui a cartonné en Russie et en Chine? Non, pas du tout. Non, attends, il a cartonné en France. Tu ne peux pas être plus loin de la réalité. Il a cartonné en France. En carton en France. C'est un film français, hein. Ah bah il y avait les punaises de lit et maintenant non c'est bon c'est fini. Non alors c'est pas retour au cinéma. C'est pas lié au punaises. C'est toujours au cinéma. C'est Anatomie d'une chute. Pas Anatomie d'une chute. Les trucs des animaux là. Le règne animal. Non c'est pas ça. C'est Bernadette. Pas ça. Non je peux vous dire le titre. Du... Non je peux vous dire le titre du film. C'est le film Le Consentement qui est en fait un film d'auteur assez glauque. Je sais pourquoi j'ai entendu Jean-Paul Rouve en parler. Est-ce que si je peux me permettre, parce que c'est un film qui est très glauque. Ah, c'est horrible. Qui parle de Gabriel Matzneff. Voilà. Pour expliquer aux gens, Gabriel Matzneff, qui était donc un auteur, qui a eu des relations, qui a même. Un pédocriminel. Pédocriminel, qui a manipulé des jeunes filles. Et il y a une. Et qui en parlait librement. Très librement. Et une victime a fait un livre qui s'appelle, du coup, Le Consentement, un livre de Vanessa Springora. Et ils ont adapté, du coup, le livre au cinéma. Et le film marchait pas très bien. Et du jour au lendemain, est devenu un carton. Il y a eu un événement qui a fait quelque chose? Pas un événement. Enfin, c'est... d'une certaine manière, si, mais c'est voilà, c'est pas un truc. Le bouche à oreille. Tu t'approches, mais c'est pas exactement ça. Ça va pas être une. Non, c'est pas ça. Des bonnes critiques. Pas des bonnes critiques. TikTok. Tu peux préciser un petit peu. C'est pas. Est-ce que c'est pas l'interview de Jean-Paul Rouve qui a vachement tourné là? Non. Mais c'est lié à TikTok. Il y a eu des extraits du film sur TikTok. Surpris, je pensais que vous le trouveriez. Il y a des gens qui ont dit le film est super, allez le voir. Non. Sur TikTok. Des gens qui ont fait une choré. Tu t'approches. Non, mais dis-moi. Il y a une trend. Je vais vous la donner parce que vous êtes dessus sur un extrait de la bande-annonce. Sur la bande-annonce, ouais. Il y a une trend autour de la bande-annonce. Genre une voix, les gens. Un son qu'on reprend sur les. Ah, mais attends, ça se trouve, on le connaît, mais on sait pas que ça vient de là. Non, si vous le savez. Je vais vous expliquer ce que c'est. Peut-être pas. Le Consentement donc, avait enregistré 60 000 entrées en première semaine, et donc ce qui est pas énorme. Et le film a vu, ses entrées boostées grâce à TikTok, puisqu'en fait, des jeunes. Spectateurs vont au cinéma ce film avant et la traîne c'est moi avant d'avoir après. Vu Le Consentement moi après comme t'avais fait avec Coco le film d'animation il y avait ça aussi avec Coco non toi je croyais que tu parlais de Coco de Gad Elmaleh non les gens qui n'a pas bougé entre les deux mais donc ils entrent dans la salle le sourire aux lèvres et tout avec la bande annonce en fond et à la fin quand ils se filment dans la salle de cinéma, quand les lumières se rallument, et ils sont genre méga choqués. Bah, tu sais quoi, ça me donne envie de le voir. Bah, voilà. Ça marche. Et en fait, c'est assez dingue, puisque t'as certaines vidéos qui cumulent jusqu'à 2 millions de vues. Oui, donc ça va, c'est pas du tout ce que j'imaginais quand on parlait non, de moi, ça. Non, non, moi, je serais pas permis dans le cas. Une Corée en mode. Ouais, c'est ça. Et donc, et ce qui s'est passé en plus, c'est que c'est les vacances scolaires. Donc, plein de jeunes sont allés le voir pour faire cette trend TikTok. Ce serait bien que ce soit des vieux qui aillent le voir par contre. Ouais. Parce que c'est quand même plus, mais ceci dit, non, ça plus d'eux. Bah, c'est un futur. C'est futur. Non, mais oui, c'est vrai. Mais bon, et ça concerne une gamine de 15 ans, donc ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Non, mais les vieux sont foutus. Donc c'est assez dingue, puisque en gros, c'est un truc qui arrive jamais. Le film a doublé, triplé ses entrées de première semaine en avançant dans le temps. Donc c'est, voilà, c'est extrêmement et en vrai, rare. C'est pas si mal, puisqu'au final, si c'est un film qui aborde non, un bah vrai c'est sujet, trop bien. C'est ça. Mais en tout cas, Jean-Paul Rouve, je vois les interviews, il en parle vraiment avec un certain dégoût de son personnage et tout, ah ouais. Un vrai dégoût de son personnage. Ouais. Et ça te donne envie de le voir, je trouve. C'est un peu plus glauque que dans la bande-annonce. Ouais. Jeff Tuch est plus fun. Je pensais pas que Rouve pouvait faire peur, genre. C'est ouf, dans la bande-annonce, il fait froid dans le dos. Quoi. Non, il était je l'ai pas vu là-bas. Est-ce que vous pensez que ce genre de truc, c'est calculable? Est-ce que vous pensez que. Parce que moi, ma théorie. Bah, c'est un peu ça. En théorie, je me dis. Parce que ça, tu te dis, un film d'horreur aurait pu lancer ce truc-là. Tu vois, le nouveau saut, ils disent, ils lancent un peu une trade, ils payent 4 TikTokers. On a eu des exemples de trucs de buzz calculés sur TikTok. Et qu'on marchait Je connais alors, vraiment pas rien. Pour des films, moi, j'ai entendu que c'est lancé pour par des une morceaux, marque. Pour des morceaux, il y a eu des trucs. J'ai beaucoup analysé. Ouais. Écoutez, là, vous parlez à un professionnel. Oui, là, ça parle de buzz et de musique ou de trucs, vas-y. J'ai beaucoup analysé. Vas-y. Et dans notre métier, TikTok, notamment dans la musique, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre, quoi. Bah ouais. Genre vraiment. Toutes les tentatives ont échoué. Toutes. Et je te parle de Attends, même Drake. Il y en a qu'on. Pendant le confinement, il a fait un morceau spécial pour TikTok. One foot up, left foot right. Un incroyable ouais, son. Mais c'est ridicule. Et. Non, mais ça va pas. Non, mais. Il a non, fait mais ça. Il a une clash Drake. Non, voilà. Mais pour te dire que. Pour le moi, morceau c'est je mets le fait... doigt devant, je mets le doigt derrière. C'est, ouais, la même c'est chose. Un peu ça. Et en fait, le morceau qu'il a fait spécialement pour TikTok est peut-être un de ceux qui a le moins marché sur TikTok. Et j'ai l'impression que c'est là où la jeunesse. Reprend un peu ses droits. Si tu sens que c'est fait exprès, il y a un moment. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Oui, mais parce que. Pas vos trucs. Et nous, sur nos morceaux, c'est toujours des couplets de morceaux improbables, pas connus, qui viennent des fins fonds des albums. C'est là où on a les trends. Et c'est la beauté de TikTok. C'est la raison aussi pour oui. laquelle tu kiffes y aller. C'est que. C'est une catastrophe pour l'industrie. Oui, mais justement, c'est. Y a mais des non, c'est pas une catastrophe. Regarde, il y a plein de. Des artistes et dont des chansons qui datent d'il y a 70 ans qui sont à la mode aujourd'hui. Ils sont en mode. Oh! Je croyais ouais. que tout était fini pour moi et il a fallu que. Ouais, mais Charlie c'est vrai que c'est très et... compliqué aujourd'hui pour les maisons de disques. Avant, tu savais que si t'avais tel single, tu le travaillais avec machin, un clip, en radio et tout, ça déroulait un certain tapis minimum. Là aujourd'hui, c'est. Est-ce que c'est pas un peu grisant ça? Est-ce que ça rend pas le truc justement un peu excitant? Ah, mais de toute façon, moi je trouve ça marrant, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu croises les doigts et t'attends de voir est-ce qu'il y a un truc qui va pop quoi. Mais toi, tu penses que tu peux le maîtriser? En fait, il y a eu un exemple, mais j'ai oublié le morceau. Mais c'était. Mais c'est-à-dire que c'était. Ça partait d'une meuf, justement, d'un TikTok, d'une meuf qui chantait le truc, mais un peu genre. Un peu okay. inoffensif et tout. Et en fait, il y a des gens qui ont découvert après qu'en fait, c'était un peu orchestré par une maison de disques. Qu'en gros, le fait okay. que la vidéo elle est pétée, c'est grâce à une meuf qui en fait était rattachée à une. Donc, ils ont essayé de faire genre c'est organique et il n'y a pas de maison de disques derrière. Mais bah, ils l'ont fait bien. Okay, déjà, non, mais quoi. C'est sûr qu'il y en a qui ils ont dû essayer bien. Et réussir. Mais ils je pense que dans la majorité, en... c'est pas si simple. En non, fait. Non, je pense que c'est pas simple, mais c'est arrivé en tout cas. Qu'il y ait des maisons de disques qui en loose day. Nous on l'a fait avec Oli, on a utilisé le mot challenge à l'époque au début de TikTok, ouais. Des flops titanesques. Finalement, titanesque. Dès qu'on avait le mot challenge, et allez, faites ce challenge. Mais si ton truc avec le coup de poing là. Un flop. Ouais. Je sais même pas de quoi tu parles. Ouais, voilà. C'était même pas. C'était avec la machine à coup de poing, il fallait faire combien 31 333. 3. Ça n'a pas pris une seule seconde. Le ringard. Le ringard. Moi aussi, je veux vous ban. Ça a bien pris ça, par contre. Voilà, ben ça, par exemple, pas du tout préparé. Ouais, bah oui. On aurait c'est voulu ça qui est magnifique. Que ça ne buzz non, pas. Mais c'est... Moi, je trouve ça assez rassurant. Ouais, ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça rassurant et beau. Des fois, tu poses des trucs en disant ça, je sais que ça va mieux fonctionner parce que j'ai utilisé certains codes qui fonctionnent en ce moment. C'est genre 1 plus 1 égale 2. Tu prends un buzz, tu le mélanges avec un autre et puis voilà. Les multiverses, les rencontres de gens et tout, tu sais que ça fonctionne toujours un peu bien. Mais après, non, tu sais pas. Ton plus gros buzz, c'est pas quand tu te tapes la tête en termes de chiffres purs. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est une vidéo où juste je me cogne et c'est international, t'as pas besoin de parler la langue. Ouais, mais tu te doutais pas que ça serait la vidéo, une des vidéos qui cartonnerait le plus, si? si on prend un exemple sur les vidéos sur lesquelles j'ai vraiment travaillé dessus, je pensais pas que la vidéo de ma chaîne YouTube qui me ferait le plus parler de moi, c'était conseil pour assumer sa petite poitrine. Un truc que j'avais filmé en tchic-tchac en une après-midi versus les autres vidéos où j'avais passé des jours et des jours de montage à réfléchir, etc. Là, non, rien. C'était celle-ci. Tu veux pas... Ouais. Je sais que dans les morceaux maintenant, les mecs, par contre, en studio, les quinri et tout, ils essayent d'avoir le petit moment dans le son qui est un peu catchy. Genre tu fais « Ooh, hey, look at me, you know !» Et là, ça repart. Et ils envoient ça, ils se disent « Allez, les enfants, vous avez vu ?»« Hey, look at me, you know, tout le monde !» C'est marrant que ça prenne ça, ça serait marrant. Ça serait ouf. Et ils payent 18 gars pour le faire, ils flopent. Mais tu peux faire un max de buzz sur TikTok et... vraiment faire des vidéos qui font 100 millions de vues et que personne ne te reconnaisse dans la rue et que t'es pas de communauté qui te suivent et qui sont attachés à ta personnalité. Mais tu sais que c'est même une malaise. Bon, là je suis peut-être trop précis, tu le cutteras si c'est chiant. Arrête de ça, dire ça, devient... à chaque fois ça devient... on dirait ton frère chaque interview. Non mais c'est chiant, love là les gens. I love you, Oli. Non mais parce que vous êtes tout le temps, vous, dites, vous avez le même réflexe de dire non mais là les gens, j'avais fait chier. Non, pas du tout, parce qu'on est des mecs du spectacle, on veut que les gens kiffent leur race. Mais vous êtes intéressant, on veut que ça kiffe leur race. C'est super. T'imagines, t'es le Drake de quelqu'un. Non mais c'est même une malédiction inverse maintenant pour certains jeunes artistes qui ont rien. Ils ont une grosse trend énorme sur un bout de couplet et donc ils font une mini tournée où les gens viennent en concert et ça lève les téléphones juste au moment de bout de couplet. Oh, putain, c'est fou. Et après ciao. Ouais. Et après ils redescendent et plus personne n'écoute. Je pense que le pire existé. Pour un artiste sur TikTok, c'est les humoristes de TikTok, ceux où ils ont une communauté qui les connaît sur TikTok et du coup qui sont très à l'aise quand ils vont sur le spectacle, qui disent la fin des vannes. Paul Mirabel, hein, c'est ce qui lui est arrivé. Hein. Ah Paul Mirabel, les gens sur scène, ils faisaient ça. Hein. Enfin, je sais pas si tu penses à lui, mais lui, il a vraiment subi ce truc-là. Ouais. Et à la fois, bon, ça leur fait un buzz monumental. Maintenant, il a qu'à parler plus vite s'ils veulent pas que les gens disent la fin. Je rigole. Une balle pour Paul. Retire ce que tu viens de dire. Bah, il parle doucement, c'est vrai. Une balle pour Paul. C'est vrai. Ça fait partie du perso. C'est non, c'est vrai. Durable, c'est tous les jours. Est-ce que vous le voyez dans vos stats sur le podcast que c'est pas forcément les gens les plus connus qui vous font le plus d'écoute? Totalement. Et que c'est vraiment c'est la qualité du. Ça. Et ça aussi, c'est trop bien. Si, moi je te le dis aussi. Hein, moi, j'ai ça, et ça aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, trop, c'est très cool. Ouais, c'est très bien magique. Que ce soit pas cool, les noms qui. Ouais, vraiment. Non, mais là ça va cartonner celui-là. Non, parce que. Non, mais c'est cool parce que. T'as Big Flo, t'as le top du top là, t'as la crème de la crème, mon frérot. Ça va tout niquer les stats. Vous êtes fous, quoi. Non, mais c'est vrai, on en parle parfois et c'est cool. Parce que t'imagines un peu tout le processus derrière ça de bah, les gens en parlent forcément, quoi. Les gens parlent de l'épisode en lui-même. Bon. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que l'art, c'est une des plus belles choses au monde. Parce que c'est totalement imprévisible. Ouais. Et c'est pareil partout dans le ciné. Là, ils ont fait les Expendables, ils ont mis toutes les stars. C'est un flop gargantuesque. Dans la musique, des fois, il y a lui, feat lui. Tout le monde se dit, ah, ça va tout niquer, les mecs, c'est les plus connus. Zéro flop. Il y a une petite meuf guitare qui fait une petite chanson enregistrée à l'iPhone, carton international. C'est ça qui est bien avec la musique. C'est ça qu'on adore. Les amis, ça fait déjà 1h40 qu'on parle. Vache. Eh ouais, mais quand on passe un bon moment comme ça, mais en fait, on voit pas le temps passer. J'ai oublié de te prévenir, Léna, mais à la fin, effectivement, on fait une vidéo où on danse. Fait pas un du tout. Roast. Ah bah le roast, je pensais que ça allait mieux marcher par exemple. Bah moi, aucun roast ne marche en même temps. Justement, mais sur TikTok, je pensais que des vannes. Toi, tu avais fait le roast. Bah, c'est l'inverse. Bien sûr. Ouais, c'était un hebdo de merde aussi. On pensait que ça allait marcher de fou. On était. Mais jusqu'au moment où on l'a mis en ligne, hein. On était. Pour nous, c'était juste un moment énorme qu'on avait passé entre potes, un carton pur. Et tu vois, ça aussi, c'est rassurant. Une vague énorme de haine. De méchanceté pure. Ah non, ça oui. Pour la simple amusement entre amis. Tu vois le. Vous voulez rouler par terre parce qu'il a mis une robe de chambre. Ça va. Ça va. Donc oui, pardon Léna, j'étais pas dit, mais en fait à la fin il y a une recommandation culturelle, un truc qu'on a aimé récemment. Oh, ça peut être. On va. J'ai pas commencé. Culture, je suis vraiment une idiote. Non, Léna, t'as pas le droit ici. Léna, déjà t'as dit. C'est un truc que t'as aimé, un truc que t'as aimé récemment. Et on va pas commencer par toi. Et c'est pas forcément un truc récent. Ah oui, ça peut être un vieux truc que t'as vu ou juste un truc que t'as envie de partager avec les gens. Vraiment, il y a zéro règle. Et on va d'ailleurs commencer par Adrien, comme ça t'as le temps d'y réfléchir. Un petit jeu vidéo MD. Non, bah non, pas là, non. Alors c'est une appli qui permet de. C'est vraiment un roast alors, c'est ça. Et donc la recommandation, pardon. Non, ça va être un. Alors déjà la dernière vidéo de Mr. V que j'ai regardé tout à l'heure. Ah, c'était Marocco, putain. C'est vrai. C'est culturel comme ça. Ah, c'est très large. Le Mr. V que tout le monde a vu. Vous sortez pas un vu, autre truc. Non, pas vu. Moi, quand j'écoute les flots de cas, je veux vraiment des vrais conseils, les gars. Et le jeu Spider-Man. J'ai deux trucs. Mais l'autre, c'est un petit truc, ça va pas te plaire non plus. Ah bah si, vas-y. Non, mais moi, c'est un compte. C'est très de niche, mais j'adore. C'est un compte TikTok et Insta de basket d'un mec qui s'appelle. Donc, le nom du compte, c'est Mamayo75. M-A-M-A-Y-O-75. C'est juste un gars qui joue au basket. Donc, si vous aimez pas le basket, ça n'est absolument pas intéressant. Non, c'est un mec qui joue beaucoup sur les playgrounds parisiens, notamment le playground de KJ Map. Et il est trop fort. Voilà, je trouve ça incroyable de le voir jouer. Il est trop fort. Et c'est donc, quoi son blaze, j'ai pas. Mamayo75, M-A-M-A-Y-O75. Et je le trouve, il est trop fort. Enfin, vraiment, des actions que tu. Il a des moves incroyables, il est en trop fort. Globetrotters, voilà. Ben, mieux, parce que Globetrotters, c'est avec des gens qui font semblant de défendre en face. Okay. Alors que lui, il y a des gars en face qui ont vraiment envie de gagner et il fait des moves de fou, il est trop fort. Voilà, donc c'est Marocco avec la vidéo d'Ivic. Que Léna a méprisé en disant ah, culture comme ça, d'accord. Non, et Big Flo qui a dit c'est bon, tout le monde l'a vu. On l'a tous vu. Je l'ai pas vu. C'est trop drôle. Elle est trop drôle. Mais tu me l'as bien recommandé, j'irai la voir. Elle est vraiment. Il vit que c'est le plus drôle. Voilà. C'est vraiment très drôle. Il est très drôle. C'est d'autant plus drôle que tout le monde a fait vraiment une espèce de petite docu. Et lui, vraiment, il fait n'importe quoi. Un petit docu-fiction comme ce que je disais tout à l'heure. Sachant que le truc le plus drôle est réel, à savoir, c'est un petit spoil, mais je peux pas vous spoiler sa réaction. À un moment, sa voiture prend un peu feu. Ouais. Sa réaction est un des trucs les plus drôles. Il a en. Ça m'a pensé incroyablement. C'est trop bien. C'est drôle, il y a quand même beaucoup d'autodérision. Et la. Automobile dérision. Ça j'adore. Tiens, me serrer la main. Merci. Et la production est folle. Il y a un vrai effort. Enfin, c'est trop bien. Il y a une vanne toutes les 5 secondes. Très, très, très, très fort. Il est vraiment très bien. Florian ? Je vais recommander la dernière vidéo de Squeezie. Ah, c'est trop des recos de ouf. J'en ai fait deux, Florian. C'est encore plus drôle en fait quand tu réponds très calmement, comme un mono de colo. C'est le petit turbulent. Un alcoolo. J'en ai fait deux. Non, mono de colo. Je sais pas qu'on parlait de mon rap. Non. Oh. Quoi, ça va. Moi, je vais vous parler d'une appli. Allez. Qui a changé ma vie. Ah, c'est celle que. Ah, que, mais que oui, la fameuse. Elle s'appelle OneSec. Ok. Comme One sur, Second. Oui. C'est sur Apple Store ou autre. Ceux qui n'ont pas d'iPhone. Et en gros, à chaque fois que vous allez vouloir ouvrir une appli, ça va vous bousiller la vie. Parce que ça va mettre 3-4 secondes avant de l'ouvrir. Et ça va vous redemander, vous êtes sûr de vouloir ouvrir cette appli ? Pas n'importe quelle appli, c'est genre les réseaux sociaux. C'est Insta, celle que tu veux. TikTok celle et tout. Celle que tu choisis. Tu le passes sur ton agenda, ce serait con. Bah, si t'es un accro à l'agenda et que t'as besoin de. Ça peut... En fait, tu peux le mettre sur tout, c'est ça qui est bien, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ok, j'étais comme toi avec ce même regard. J'ai rien dit. Si, je te connais. Je suis un peu. Je me demande si ça marche, mais voilà. Je suis intéressé de savoir. Justement. Moi, je me suis dit, bah, je vais juste dire oui à chaque fois et puis ça ne changera strictement rien. C'est comme le truc de l'iPhone. L'iPhone fait exactement. Ça. Exactement. Sauf que là. Le petit temps de latence est assez chiant pour au moins te cuter les quand il va de manière intempestive. L'impulsion. Tu sais, voilà, quand t'attends l'ascenseur, t'ouvres la Insta pour vraiment t'amuser pendant les 3 secondes avant que le, vraiment tu veux être amusé. Je vois, ok. Et ça, je le fais plus. Et en plus, ils te disent combien de fois t'y allais dans les 24 heures. Et donc, il y a un peu ça, un côté, cata, t'as envie de battre ton record, tu vois. D'y aller le moins possible, tu veux dire. Baisser, tu dis, ah là, en ce moment, je suis à 20, je vais descendre. Enfin, c'est tout de l'iPhone. Voilà, non, mais je veux dire, ça, tu les as dans les stats de l'iPhone. Ouais, mais tu vas dans les stats. Là, oui, c'est vraiment, voilà, tu vas ouvrir Léna. Insta. Et il va te l'affiche. T'as essayé d'y aller okay. 12 fois. T'es sur mon canal Insta en plus, ma vie. Ok, d'accord. Là, tu vois, attends. J'ai cliqué là il y a quelques secondes. En fait, là, ça me dit que je suis allé 5 fois dans les dernières 24 heures. Et là, ça me demande est-ce que je veux ouvrir ou pas. En fait, t'as le temps quand même de réfléchir en disant est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai vraiment envie de faire ça. Non, flemme. Au moins ça tu perds 5 secondes quand même. Au moins ça tonique. Au moins tu le fais pas. Ça tonique les petits intempestifs, les petits moments quand tu marques, les petits trucs. Est-ce que comme quand ça. Tu dis intempestif, tu as envie de dire impulsif? Ouais, je pense. Non, donc quand c'est de manière intempestive, genre bam bam bam bam, ça arrive, tu vois, tout le genre temps. Genre sur une impulsion, quoi, tu veux dire. Okay. De manière impulsive, intempestive, quoi. Oui. Et, non, mais tu utilises depuis combien de temps cette application? J'utilise depuis 2 mois. Et ah ouais. tu sens une amélioration? Écoute, je suis à 5 fois. Par 24 heures, alors que j'y allais 5 fois par demi-heure, je dirais avant. D'accord, okay. Est-ce que tu as l'impression pression de rester plus longtemps du coup quand il va pour compenser? Alors, ou pas? Oui, quand j'y reste un peu plus longtemps, mais ça ne rattrape jamais le temps que j'ai gagné. Oui, c'est parce que vrai, tant le temps que j'y suis, je regarde vraiment tous mes messages, je regarde un peu mes stories, machin, je me fais une petite session de 5 minutes et après je me barre, tu vois. Par contre, attention, il y a un effet secondaire quand vous téléchargez l'application, c'est que vous devenez un peu un connard qui juge tous les amis à côté de vous qui ont envie d'ouvrir Instagram et vous dites c'est vrai. Ah mais coupe-moi ça là, t'es tellement accro. Installe cette application. Tu vous parles êtes de moi là ou... Comme les gens qui ont arrêté de fumer quoi. Ah, t'es obligé de le dire à tout le monde. Tu l'utilises aussi? Non. Non, je me fais juger par Flo dès que j'ouvre mon téléphone. Tu parles de qui là, Léna? Ah oui, pour ceux qui veulent se désintoxiquer des réseaux, parce que moi ça va devenir mon cheval de bataille là, de cette année. Arrêtez d'écrire les messages sur Insta, c'est ça le piège. Évidemment, vous le connaissez. Oui. Ils te font écrire sur Insta, ouais, du coup, sûr. En attendant la réponse, tu vas voir la story. Tu dis ah allez, j'y suis, donc j'attends la réponse, etc. Renvoyez tout le monde sur WhatsApp. Au moins WhatsApp, c'est hyper neutre, quoi. Mais quand t'as une réponse, t'as rien quoi. À faire. Ouais, c'est ça. Ou alors faudrait une app. Ne parlez pas aux gens que vous connaissez pas assez pour donner le numéro de téléphone. Moi, c'est comme ça que je chope des gens pour le podcast, donc c'est ouais. Tu vois. En fait, il faudrait qu'il y ait une appli qui fait que les DM dans Insta. T'attends 3 heures après. Mais ça, je suis d'accord, comme Messenger et Facebook. C'est Messenger. Mais Messenger, c'est ce qu'a tué Facebook. Mais après, t'as mis l'appli, ça y est, classe. C'est trop. Wow. Ça, je trouve qu'en vrai, on a vraiment trop d'applis. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, si là, Instagram, tu dis pour communiquer, il faut que tu télécharges DM. Bah, je pense que du coup, tu irais moins sur. Oui, moi, c'est sûr. Depuis que j'ai installé cette appli, c'est très basique ce que je vais dire, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Je me rends compte à quel point j'étais fou d'Insta là. Un fou allié. Non, mais je... Et en fait, on est tous fous alliés de ces applis là. On veut les ouvrir tout le temps là. Non, mais moi, c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant où pendant un mois, j'ai dit j'avais supprimé Insta carrément. Et c'est vrai que tu te rends compte de. On est fou allié. Ouais, de la dépendance. Moi, le pire, c'était coup, le téléphone. J'allais sur Reddit du coup. Mais en vrai, il y a un côté. Comme c'est pas un réseau social, Reddit. Le téléphone à table, je me suis forcé d'arrêter parce que je me rendais compte de la violence que c'est d'infliger ça aux gens en vrai de vrai. Quand t'es avec un pote, tu l'as pas vu depuis longtemps. Parce qu'attention, moi c'est pas des trucs où je regarde une minute sur tout le repas, c'est que je pouvais passer bien 2-3 minutes pendant que mon pote il me regardait comme ça, ou j'écoute à moitié ce qu'il dit pendant que je regardais les. Ils ont la belle vie tes potes à chaque fois que t'en parles. C'est pour ça que j'essaye de changer. La torture de tes amis avec Flo. Et en plus tu payes pas. Et en plus tu payes pas à la fin apparemment, donc c'est vraiment. Ça n'a aucun intérêt d'être mon pote. N'essayez pas de gratter l'amitié. Il te rembourse et tu les remercies jamais et tout. Je les humilie sur un des podcasts les plus écoutés de France. Je leur paye tout. À mes potes. J'en ai rien à foutre. Non, on te rembourse, mais tu. J'ai une deuxième reco. C'est une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Sakaru. Alors je sais que 90% des gens n'iront même pas voir, mais les 10%, arrête sur de vous. Tout mini. Comment? Sakharu. Et en fait, il fait des vidéos sur les jeux vidéo, mais d'une précision. D'une longueur. Ça m'intéresse. Fais voir, je vais m'abonner tout de suite. Je te donne un exemple. Il a une vidéo sur le remake de Pokémon. Elle dure 3h45. Tu ne pouvais pas trouver pire exemple pour me donner envie, mais je vais quand même aller voir. 30 ans de Mario Kart, la PlayStation 2, chronique d'une console immortelle. Ah, c'est français. Oui, c'est français en plus, il te régale. Je suis sûr que j'ai déjà vu. Legend of Zelda, 1h18. Mais tout est long comme ça? Tout est long comme ça? Non, regarde, t'as du petit 21, là, t'as du petit. Mais moi, j'aime les vidéos longues où je sais que je fais play et si je veux. Je peux mourir avant qu'elle finisse. Ça m'apaise de savoir qu'il n'y a pas de fin. Si toi tu veux, tu meurs. Je peux mourir en écoutant Sakaru là. Pokémon remake, bah, je meurs là. Je comprends. Voilà. Léna? Alors, si on parle de YouTube, j'ai découvert un YouTuber, je suis vraiment arrivée après la guerre. Il s'appelle Ryan Tran. Et c'est un ricain par contre, c'est en anglais. Et en fait, il a un concept, c'est de traverser tout le pays avec un sens. Est-ce que vous voyez cette tendance qu'il y a eu à un moment? T'échanges, puis tu rééchanges. Et bah, puis tu ça vient de lui. On est retourné à la source, c'est Seb qui m'a montré ça, et c'est vraiment, c'est un petit pain béni quoi. Ok, trop bien. C'est bien monté, c'est bien écrit. C'est un peu marrant ou pas spécialement? C'est rigolo. Ouais. Rigolo. Ouais. Divertissant. Tu hurles pas de rire. C'est feel good, un peu, j'imagine. Ouais. Tu regardes, à la fin, t'es content. Okay. Et il fait aussi des longues vidéos, c'est chouette. Et après, un truc rien à voir, moi j'adore les fleurs. Et sur Instagram. Il y a un mec qui tous les jours il poste un nouveau bouquet de fleurs et moi ça me régale. C'est quoi? Ça s'appelle September Studio. Et c'est pas un bouquet de fleurs Interflora qui te fait. C'est pas les bouquets ronds. C'est des bouquets avec des citronniers et des. Ah, mais est-ce que c'est le mec branches. Qu'on voit faire les bouquets? Voilà. Ah, je vois. Il danse un peu, ouais. Hop la transition, okay. Et là t'as un bouquet en mode ah, c'est beau. J'ai vu. Ouais, c'est vraiment stylé. Si je devais suivre qu'un seul compte, ce serait lui. Est-ce que Pokémon c'était une info ou une intox que genre Sacha il se réveille et en fait ça c'était un rêve? C'est ça la fin de Pokémon? C'est une intox. Ok. C'est une intox, mais c'est mignon. Et, vous, et tu connais le vrai prénom de Pikachu de Sacha? Parce qu'en fait, Pikachu, c'est le Pokémon. C'est, je l'ai vu, c'est Jean-Luc, c'est pas ça? Quoi? Attendez, pardon. Je crois que c'est Jean-Luc. Mais c'est attendez. Vraiment sur ça que ça doit finir. Le podcast s'appelait Jean-Luc Pikachu. Quoi. En fait, il s'appelle Jean-Luc. Je vais vous donner pourquoi. Non, non, si, si, je vais dire. Il me semble que c'est, son c'est le attends. Deuxième prénom et que je pense que pour les Japonais, Jean-Luc. C'est stylé un peu, tu vois. Attends, il y a un rapport avec Star Trek ou rien à voir? Non, c'est un rapport avec Creshman. Jean-Luc Creshman. Non, non, mais Jean-Luc Picard, Pikachu. Pikachu, ah, c'est un Creshman qui doublait la voix de Pikachu à l'époque. Pikachu, ah Pikachu, la question pile, la question K, la question pipi, la question. Non, allez, ça ah va. Oui, la question caca, voilà, la question c'est chouchou. C'est pour ça que j'écoute ce putain de podcast. Putain. Bon, et en tout cas, dans les premiers mangas de Pokémon, le Pikachu de Sacha s'appelait Jean-Luc, et donc il s'appelle Jean-Luc attends. Pikachu. C'était un manga à la base, Pokémon. Bah en tout cas, il y a le premier manga Pokémon. Non, le premier manga Pokémon. Ah, ok. Je dis pas que ça, c'était un manga okay. d'abord. Et il dirait Hello, my name is Jean-Luc Pikachu. Non, mais que je te crois pas, Jean-Luc Pikachu. Ouais, putain, Jean-Luc c'est Pikachu. Écrit. C'est une ref à... ça doit être une ref à Star Trek, non? J'en sais rien. De base, Pokémon était un jeu vidéo, hein, de base. Oui, oui, c'est le... mais quand je dis c'est le premier manga. Vidéo. C'était pas animé et jeu vidéo en même temps? Non, ils ont fait le jeu vidéo et quand ça a marché, ils ont lancé l'animé. Et quand ça a marché, ils ont lancé les cartes avec et tout. C'est ça. Sofiane, il avait fait une bonne vidéo sur ça. Là, ce oui, culturel, que, c'est oui. bien. Parce elle est bien. Le manga, il commence. Oui, eh ben écoute, Adrien, parce que j'ai fait une petite recherche Google, tu as complètement raison. Ah. On peut le constater. Pikachu arbore un petit badge représentant le logo de l'Enterprise. Il s'agit d'une référence directe à Jean-Luc Picard, interprété par wow. Patrick Stewart. Bravo. Quel geekard. Putain, c'est Jean-Luc Pikachu. Jean-Luc Pikachu. Jean-Luc Pikachu. Incroyable. On a le titre de Jean-Luc Pikachu. Du coup, c'était plus une blague de Pikachu à ce moment-là que son vrai prénom. Mais oui, ce voilà, sera... merci. Et du coup, les articles, ils ont fait saviez-vous le vrai prénom? Et tout est faux. Tout ce qui est sur Internet. Tout ce qu'il y a sur internet globalement à 80% est faux. Tout le monde veut faire les intéressants. Quitter Insta. Je suis débattu avec Vianney quand même. Ça c'est vrai. T'as mis droit à Vianney. Je précise que je ne suis pas tapis du coup. Parce que... Qui fait le montage? C'est moi, c'est ah moi. Ah là là. Tout va bien. Je te rassure. D'ailleurs, c'est pour ça que vous continuez de parler, vous riez fort et tout. Ah, mais c'est parce que c'est lui qui fait le montage. Mais les gens écoutent ça. Hein. Il y aura pas tant de mais d'ailleurs, dans cette partie. Ah non, non, Jean-Luc Pikachu, c'est peut-être la partie préférée des gens de l'épisode. Mais t'as raison, c'est la fin de cette émission. Dernier petit tour de table, Florian. Ah, voilà. Tu es en concert en ce moment, eh je oui, crois. Oui, malheureusement, vous êtes obligé d'entendre ma promo. Vous n'avez pas quitté assez tôt. T'en fais rarement, donc c'est. Donc, à Toulouse, qu'est-ce les Toulousains, on fait le deuxième stadium. Le premier, c'est complet. Venez au deuxième. Dans le nord, on fait le stade de Lille. C'est ça la grande annonce. On fait le stade Pierre-Mauroy de foot. Là-bas, ça va être dingue. À Lyon, on fait le stade de Tony Parker, la LDLC Arena. C'est les grandes dates qui nous attendent. Et à Paris. Si ça sort là avant le 8 ouais. décembre, ah, bien sûr, ça il reste prochaine. Des places au moment où vous entendez. Donc venez nous voir dans ces stades, c'est énorme, ça va être super. Le show est bien bossé, même si je c'est sais long, que là, vous écoutez, c'est non, attendez, vous écoutez, vous aimez bien Big Flowly, vous dites de là aller voir un concert, allez-y, tentez-le, ouais. mettez-le ce petit bibi si, et venez oui. passer la soirée. Il y a un petit show, il y a un show. Ah, on a bossé. Il bah, y a un quiz de McFly et Carlito. Il n'y aura pas ce quiz qui a pas marché. On a que du nouveau là, que du neuf. T'es fort en promo, Flo. Non mais ouais ouais. Léna, il y a pas que ça, reprends, il est fort dans tout ce podcast mec. Canapé 6 places. Et bah écoutez, si vous voulez écouter quelque chose après ce podcast, je vous invite à écouter Canapé 6 places, c'est ouais. en exclusivité sur Spotify. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez l'écouter gratuitement sur Spotify, ouais, ça va. Ouais. Ça va, vous pouvez. Vous pouvez ouais, vous déjà le permettre. Vu les gars. Un peu moins fort en promo, ouais, effectivement. Pas de les gens, ça va. C'est bon ouais. Oh là. Merde quoi. Mais c'est l'ADN de mon podcast. C'est un peu ça aussi. C'est sympa. Ouais c'est ça sympa. Discute. Très bien. Ça papote. Et t'as sorti une vidéo il y a pas longtemps effectivement avec, oui bon voilà. après ouais. Venez venez si vous voulez ouais. Vraiment venez comme vous êtes. Je ne vous oblige pas. J'ai l'impression d'avoir passé une après-midi avec les des grands frères en fait. Alors que mon frère il m'a laissé traîner avec ses copains. Donc merci on était pour ça. Ravis, on était ravis de t'accueillir Léna, ça faisait super plaisir. Adrien. Et ben comme d'hab toujours Anti-Gang la relève sur Disney Plus, En Terrasse sur Prime Video et Killer Coaster sur Prime Video. Regardez. T'as des petits castings en ce moment là, tu nous prépares des petits trucs. J'en ai raté un il y a quelques jours là. C'était j'ai une opportunité de dingue. Non. Ah, non, non, non même pas. Ah, non, non, après, on rate pas un casting, juste je n'ai pas été pris. Ouais. Enfin, on peut rater, j'en ai raté des castings. Pour le coup, celui-là, je l'ai pas du tout raté, mais juste ils ont pris quelqu'un. Une petite promo. Oui, oui, oui, bien sûr. Le spectacle de Baptiste Le Caplain qui est sur Prime Video, voilà, que vous pouvez toujours regarder. Qui est joué par Florent maintenant. Ouais, c'est la petite différence. C'est la petite diff. Non, non, c'est évidemment Baptiste, mais j'ai coécrit ce spectacle. Et le film Vermine, qui sort le 27 décembre, de Sébastien Vanitschek, un film d'horreur avec des araignées, Léna. C'est tout ce que je te dis. Mmh. Et avec, entre autres, Jérôme Niel, Théo Christine, enfin voilà, il y a plein de gens super. Et voilà, Finnegan. Et Finnegan, notre film. Et Sophia Le Saffre, bon, il y a vraiment plein de gens super. C'était le 14e épisode. Allez, merci, au revoir, ciao. Au revoir tout le monde. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.